C'est bon? Oui. Tu envoies? C'est fait. Ah oui. Donc, bonsoir, merci d'être venu. Bon, on attendait un petit peu parce qu'il y a pas mal d'activités sur Marseille, mais il y a les retardataires, tant pis pour eux. De toute façon, après, on pourra continuer à discuter après la causerie. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sarah Katz et Pierre Stamboul qui vont nous parler de leur bouquin qui vient de paraître chez Acrassi. Qui s'appelle Chronique de Gaza. Donc Sarah Katz et Pierre Stamboul ont fait plusieurs séjours, enfin en tout cas Sarah plusieurs, toi peut-être 15, je ne sais pas, tu nous verras, à Gaza. Donc vous avez le temps de faire des séjours parce que vous êtes tous les deux retraités. Pierre était dans l'éducation nationale, il participe à une revue qui s'appelle L'Émancipation, que vous connaissez peut-être. Et il y a des, il fait toutes les rubriques, enfin, entre autres, surtout les rubriques internationales. Donc s'intéresse à la Palestine, mais à plein d'autres pays, parce qu'il y a des choses à dire, malheureusement, pas toujours agréables partout. Et Sarah, tu étais chercheuse, c'est ça, au CNRS, en socio, c'est ça? Sociodémographie, j'ai noté. Et tu as écrit des articles dans CQFD, notamment. Donc, ça, on avait reçu Pierre, il n'y a pas très... Je ne sais plus quand. Oui, je crois. Pas très longtemps, pour nous présenter le gros bouquin. Voilà, donc Pierre a écrit 3 bouquins, donc il a commencé par un très gros, puis un plus petit, puis le dernier, il est un moyen. Peu, il est, mais comme c'est à deux, c'est de plus en plus petit. Donc voilà. Et ça, c'est collectif, c'est lui. Et voilà, et donc, je vais parler de... Donc vous êtes tous les deux membres de l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Donc, Pierre, tu es toujours co-président? Non, depuis 15 jours, je suis... D'accord. Bon, enfin, c'était pas... Il était co-président du JFP, non, c'est pas... 7-8 ans. Voilà, et c'est pas de tout repos, parce que, notamment l'année dernière, je sais pas si vous en avez entendu parler, il était victime d'un hacker sioniste, et ça lui a valu... Enfin, je sais pas si vous habitez ensemble, si vous, donc vous avez eu... Je suis celle qui l'a tué. D'accord. Donc, vous avez eu l'intervention du RAID chez vous. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais on pourra en parler après. Et puis, je crois que... Non, il y a aussi... je ne sais pas si toi, tu fais partie de l'International Solidarity Movement, qui, j'ai vu le site, c'est en anglais surtout, mais c'est des infos sur tout, pas seulement sur la Palestine, mais sur tous les pays du Proche-Orient. Bon, voilà. À vous la parole. Bon, je vais juste dire, alors, on est... Sarah a vécu à Gaza. Il y a séjourné en continu... de 2012 à 2014, et elle y a été plusieurs fois avant, et donc un peu après. Et depuis 2014, l'entrée à Gaza était impossible pour les militants internationaux, à cause d'un changement de l'Égypte, puisqu'on rentrait par l'Égypte. L'Égypte demande maintenant que ce soit la France qui dépose les dossiers, et la France dit « vous allez dans ce pays fou, on ne vous laissera pas rentrer ». Et donc on s'est battu pendant très longtemps pour essayer de rentrer de l'autre côté, par la frontière israélienne. Et au bout d'un an et demi, on y est arrivé et la porte s'est refermée derrière nous. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est un séjour à Gaza du 23 mai au 9 juin 2016, avec entrée par Israël. Alors on a divisé la présentation, vous voyez, en 5 points. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, hein, ce mot qu'on a souvent, on répète toujours dans le milieu militant, Gaza c'est une cage. Ensuite, on va vous parler des vagues de bombardement et surtout de qu'est-ce qu'on voit 2 ans après, parce que ce qu'on voit par terre 2 ans après dit quelles étaient vraiment les raisons des bombardements. On va faire l'essentiel de la présentation sur la présentation de la société civile et je suis particulièrement émue et contente de faire ça ici. Au cœur de la réflexion anarchiste, on va essayer de vous expliquer pourquoi et comment tient encore la société civile de Gaza. En quatrième, les mécanismes de résistance. Et puis, on terminera par qu'est-ce que nous, citoyens français, nous pouvons faire. Alors, ces premières images que vous voyez, c'est pour décrire la cage. Il faut comprendre que Gaza, c'est un tout petit territoire, 360 km², la commune de Marseille fait 220 km². La commune d'Arles, qui fait les 2/3 de la Camargue, fait 750 km², c'est-à-dire que Arles est 2 fois plus grand que la bande de Gaza. C'est une espèce de parallélogramme de 10 km sur 40, en gros. Côté mer, on va vous expliquer que c'est tout surveillé par les bateaux. Côté terre, vous avez à certains endroits, on le voit sur la photo au fond, sur la photo de gauche en haut, il y a un mur important, extrêmement épais, extrêmement haut, aussi bien au nord côté israélien que au sud côté égyptien. Et sur l'est, c'est la photo en haut à droite, on a une espèce de grande barrière électrifiée. Alors, quand on rentre par Erez, par la frontière israélienne, on rentre dans la cage au fauve. On marche pendant 300 mètres dans cette cage-là. À côté, il y a une route qui peut être prise par les très rares véhicules diplomatiques qui peuvent passer. Et au bout de cette cage-là, il y a, parce que ça aussi c'est la réalité de Gaza, le poste de contrôle de l'autorité palestinienne suivi du poste de contrôle du gouvernement de Gaza, c'est-à-dire du Hamas. Sur la frontière est, vous avez cette barrière électrifiée en permanence, donc des jeeps qui patrouillent et qui tirent de temps en temps. Ce que vous voyez derrière, c'est Israël. Les Israéliens tirent comme des malades sur la nappe phréatique. Ce sont des installations agricoles extrêmement luxuriantes. Mais le résultat, c'est qu'il y a une véritable catastrophe à Gaza qui consomme 185 millions de mètres cubes d'eau par an. La nappe phréatique n'en produit plus que 115 à cause de ce que les Israéliens font. Et le déficit, c'est l'eau de mer qui envahit la nappe phréatique. L'ONU a prévu une catastrophe majeure, c'est-à-dire une eau définitivement inconsommable pour 300 ans, d'ici 4 ans. Ce que vous voyez en bas, c'est terrible, parce que comment la mort peut venir à Gaza? Elle peut venir du ciel, les F-16, les drones, les hélicoptères. Elle peut venir de la mer, par les vedettes maritimes. Mais elle vient aussi, elle peut venir des tanks, mais elle vient aussi de ces espèces de monstres que vous voyez. Ce sont des tours automatisées, il y en a à peu près tous les 200 mètres sur la frontière orientale. Il n'y a personne dedans. C'est depuis Tel Aviv des gens qui jouent avec des joysticks, qui visent et qui tirent. Il faut savoir qu'il y a eu trois grands massacres, donc Plomb durci 2008-2009, Pilier de la Défense 2012, Bordure protectrice 2014. Entre le premier et le dernier des massacres, il y a 150 morts, c'est essentiellement des tours automatisées qui de temps en temps se font quelqu'un en train de ramasser de la ferraille pour la recycler, ou des paysans ou des ânes. Et ce que vous voyez à droite, c'est sur le blocus maritime, non seulement les pêcheurs sont harcelés sans arrêt et souvent tués, mais on interdit aux solidaires d'arriver à Gaza, et ça c'est le monument aux morts du Mavi Marmara, le ferryboat turc, qui en 2010 a été arraisonné avec des hélicoptères qui ont plongé sur le bateau et qui ont tiré, il y avait 500 personnes à bord, il y a eu 10 morts. Donc une population qui est en cage au sens strict du terme, c'est-à-dire que où que vous marchiez, vous allez vous heurter à un obstacle physique et au danger de se prendre une balle. Sur cette population qui est en cage, alors depuis 2008, décembre 2008, il y a eu trois grandes vagues de bombardements. Les photos que vous voyez ici, on les a prises donc en mai-juin, de cette année, donc on est 2 ans après les bombardements. Toute une partie des immeubles cassés sont encore dans cet état. Pourquoi ? Parce que c'est la même entité qui a bombardé et qui décide ou non si le ciment pour reconstruire entre. Donc il décide au compte-gouttes. Et la Gaza en 2016 s'est hérissée d'endroits qui ont été reconstruits, parfois fort joliment, parce qu'il y a un grand investissement dans la maison, ça fait partie des choses importantes pour les gens, des quartiers encore comme ça, ou le plus souvent des grandes barres d'immeubles en voie de réhabilitation, attendant que le ciment veuille bien rentrer. La petite photo là-haut, elle vous montre ce qu'on appelait la tour italienne, on l'appelait la tour italienne parce que le consulat italien était dedans. Et ça, c'est les résultats de la dernière semaine d'agression en 2014. Ils se sont mis à tirer sur les immeubles de grande hauteur. Il faut bien voir que vous avez 2 millions de personnes sur 360 km², c'est-à-dire une densité énorme. Et on ne peut tenir avec cette densité que parce qu'il y a un tissu urbain qui est hérissé de grandes tours. Et ces tours, jusqu'ici, au début de l'attaque, avaient été épargnées. Et puis, en dernière semaine, probablement sachant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils vont devoir arrêter, ils ont tiré sur les tours. Et vous voyez encore cette grande carcasse ici. Inutile de vous dire qu'on n'a pas entendu l'Italie en faire une vraie histoire. Son consulat a été bombardé, il a été bombardé. Là, ici, on voit 2 ans après l'état des maisons et comment les gens continuent un petit peu à survivre quand leur maison a été détruite. Donc on voit quand même beaucoup de maisons dont on ne peut pas dire qu'elles sont complètement en miettes, mais qui sont relativement inhabitables. C'est les deux photos que vous avez en haut. En bas à gauche, c'est quelque chose qui est assez fréquent, des algéco qu'on a mis, notamment là c'est dans le village de Houza, on est tout près de la, dans le sud-est de la bande de Gaza, on est tout près de ce que l'occupant appelle la barrière de sécurité. Il faut comprendre qu'il y a des familles très nombreuses à Gaza. Dans cet algéco-là, on est en mai, il avait fait la veille de notre passage 52 degrés, c'est-à-dire que c'est une habitation qui n'est pas du tout... en phase avec le climat de Gaza qui peut être froid et humide en hiver et particulièrement chaud dès l'été. Alors quand on arpente la bande de Gaza, on voit que non seulement les habitations ont été visées, mais prioritairement les équipements collectifs. Le grand trou que vous voyez ici, c'était l'hôpital de Wafa. À Wafa, c'était un des grands hôpitaux de la bande de Gaza. Il n'en reste strictement rien. Les Israéliens ont prévenu. Quelque chose comme une demi-heure avant. On va bombarder. Tout ce qu'il y avait de personnes disponibles et les quelques internationaux qui étaient sur place, dont nos copains espagnols, se sont précipités et ont, à coup de voiture, à coup d'ambulance, à coup de tout ce qu'on fait, retiré le maximum de blessés de l'hôpital qui finalement a été entièrement rasé. Une des beautés à Gaza, bon, moi j'ai habité un peu longuement et c'est sûr que c'est une des choses qui aide à la vie, c'est la plage. C'est une grande plage sablonneuse tout au long des 40 km avec un tout petit peu de ce qu'il faut de toutes petites dunes pour agrémenter. C'est quelque chose de très joli et c'est l'un des rares endroits où les enfants peuvent jouer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau où les enfants s'ébattent si joyeusement, elle est très hautement polluée. Pourquoi ? Parce que la première chose que les bombardements ciblent, ça a été vrai pour les trois vagues de bombardement, un, la centrale électrique, toujours par terre, deux, les stations, les différentes stations d'épuration des eaux usées. Alors vous allez me dire, en quoi une station d'épuration des eaux usées est un objectif militaire ? Ben oui, il est un objectif militaire si l'objectif c'est de rendre la vie impossible à la population. Et donc... Les stations de... Comme toujours, hein, il y a un petit peu d'aide internationale, l'ONU donne un peu, on réhabilite la station d'épuration d'eau usée. Le problème, c'est que, par principe, une station d'épuration d'eau usée, ça doit fonctionner 24 heures sur 24, que comme il y a de l'électricité, qu'au mieux 6 heures ou 8 heures pour 12 heures, le résultat, c'est de l'eau parfaitement sale qui se déverse dans la mer et on va aller à des catastrophes sanitaires. Sur la photo de gauche, vous voyez un petit peu, on est là tout à fait au nord de la bande de Gaza, tout près de la frontière israélienne. On voit dans quel état était toute la partie agricole. Il faut comprendre que dans la guerre de 2014, les trois grandes villes, Gaza, Khan Younis et Rafah, les Israéliens ont juste un tout petit peu essayé de rentrer à Gaza. Et puis il y a eu des gros combats, ils ont eu des pertes à Shujaya et ils se sont arrêtés. Par contre, toute la zone rurale, toute la partie est et la partie nord a été occupée pendant une cinquantaine de jours. Et ils ont tout détruit. Vous voyez un petit peu l'état des destructions. Tout était comme ça. Pendant la guerre de 2014, il y a 400 à 500 000 réfugiés de cette zone rurale qui viennent dans les grandes villes, qui sont réfugiés dans les écoles ou dans les caves. Et immédiatement, quand il y a eu le cessez-le-feu, la première chose que les Gazaouis ont fait, c'est remettre en route l'économie. Donc avant même de reconstruire les maisons, on remet en route les champs. Là, vous avez des concombres, hein, c'est ça. Qui sont, et immédiatement, les paysans disent « Je peux vivre sous la tente, mais nous ne voulons pas être désassistés, nous voulons pouvoir nourrir notre population. » Et à droite, vous voyez une autre partie de l'appareil économique qui subit régulièrement des grosses pertes. Gaza, depuis l'Antiquité, était un port de pêche très renommé. Et il y a eu des milliers de pêcheurs, il en reste encore 4000, mais ils subissent des pertes effroyables. Les accords d'Oslo prévoyaient qu'ils pouvaient pêcher jusqu'à 40 km. Les Israéliens maintenant ne permettent que 10 km et la plupart des agressions mortelles ont lieu tout près de la plage. Donc les pêcheurs ne savent plus du tout ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Ils ont eu 11 morts, ils ont eu 300 bateaux confisqués. Ils ont eu des cas de torture où en plein hiver on obligeait les pêcheurs à sauter dans l'eau glacée. Et malgré tout, ils essaient dans ce port qui a été au départ construit avec l'argent européen et plusieurs fois tunisé par les Israéliens. Ils essaient tant bien que mal de pêcher dans des eaux où il n'y a pas grand-chose comme poisson, parce que comme ils ne peuvent pas aller au large et que la côte est sablonneuse, au bord de la mer, au bord de la côte, il n'y a pas grand-chose. Alors, on est donc dans une situation où on a une population en cage au sens strict du terme, et sur lequel on bombarde à peu près tous les deux ans. Je me rappelle d'un petit gamin qui me disait, on était au tout début 2014, et je ne savais pas à quel point ce qu'il disait était vrai, que ça allait bombarder bientôt. Je lui disais, pourquoi tu dis ça? Ben, il me dit, quand j'avais deux ans, il y en a eu, quand j'avais quatre ans, il y en a eu, donc là maintenant je vais avoir six ans, il y en a eu. Il ne se trompait pas. Donc, sur cette population qu'on bombarde, sous ces bombardements, vit une société. Et cette société, eh bien, elle ressemble beaucoup à la nôtre. C'est une société de notre monde capitaliste du 21e siècle, avec ses riches et ses pauvres, avec ses travailleurs manuels, ses travailleurs intellectuels. Une société qui est assez férocement socialement stratifiée, et sur laquelle, en plus, jouent des différences de statut, suivant qu'on était à Gaza depuis plusieurs générations, ou qu'on a fait partie de la grande vague de réfugiés de 48, ou qu'on a fait partie de celle de 67. Donc on a différents statuts et on a une stratification sociale. Et vous pouvez avoir la misère de la misère, c'est ce que vous montre la première image. Ça, c'est le camp de Bédouins de Mougraga. C'est un endroit dans lequel, depuis 40 ans, les familles survivent avec leurs animaux, parce que les Bédouins n'ont jamais arrêté, même s'ils n'en tirent plus aucun bénéfice vrai. Ils vont continuer à avoir leurs dromadaires, leurs ânes, etc. Ils vivent avec leurs animaux dans un endroit où il n'y a pas une maison en dur, il n'y a aucun équipement sanitaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais on vous dira qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit tout sur le corps, vous allez voir après. Et à côté de ça, vous avez un front de mer qui est joli, de grands immeubles. Ces immeubles-là, cherchez leur heure, c'est l'endroit où on met le personnel international, parce qu'il faut savoir qu'à Gaza, toutes les instances onusiennes sont présentes et travaillent et pondent des rapports et ne font rien d'autre, mais elles sont là avec leur personnel. Et sur le toit des immeubles dans lesquels il y a les instances onusiennes, il est écrit en gros UN pour que les F-16 ne se trompent pas. Et jusqu'ici, ils ne se sont jamais trompés. On a rencontré à Gaza sept partis politiques. Allant de l'extrême gauche, c'est des photos ici, jusqu'au parti religieux. Donc, à gauche, on a rencontré des petits partis qui sont cités ici. Le PPP, c'est le parti communiste. Le Struggle Front, le Front de lutte, et le FIDA, c'est l'Union démocratique palestinienne. Ce sont des petits partis de gauche qui sont représentés dans l'autorité palestinienne, qui en général sont favorables à Oslo et aux deux États, et très critiques sur le gouvernement du Hamas à Gaza. Ici, vous avez des images du FPLP, donc Front Populaire Libération de la Palestine, qui en importance, après les deux grands partis, serait le troisième. Il a quelques députés, ce sont des historiques, ce sont des marxistes. Ils ont animé la résistance palestinienne dans les années 70. Ils ont eu des combattantes, vous voyez ici les photos de combattantes. La femme que vous voyez, c'est la doctora Mariam, donc... elle a combattu les armes à la main, ils ont fait, dans les années 70, ils ont subi un assez grand nombre de défaites pendant la guerre du Liban ou Septembre Noir en Jordanie. Ils ont encore du prestige. Leur direction en entier est en prison, condamnée à 30 ans de prison ou à la prison à vie en Israël. Vous voyez à gauche, c'est Ahmed Sadat, c'est le secrétaire général du FPLP, condamné à la prison à vie, arrêté par l'autorité palestinienne, emprisonné à Jéricho, et les Israéliens ont attaqué la prison, ont tué 15 gardiens. Les Américains et les Anglais qui étaient censés garantir cet arrangement sont partis, et toute la direction du FPLP est en prison en Israël. Alors vous avez cette gauche dont on a parfois l'impression que leur audience se restreint, mais qui peut encore, qui est respectée, en tout cas pour ce qui est du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui a toujours des militants qui survit. Et puis vous avez les deux grands partis, le Fatah et le Hamas, on va vous en parler un peu plus longuement. Et puis après, vous avez les partis religieux, ou plus exactement, le parti religieux, le djihad islamique, qui est en fait lui aussi respecté dans la rue à Gaza. Alors, le Fatah. Respecté par qui ? Respecté par qui ? J'en viens là. Je passe d'abord sur les deux grands partis. Le Fatah. Alors, le Fatah a une position semi-légale à Gaza. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ils ont leurs locaux, mais sur leurs locaux, il n'est pas écrit leur logo. J'ai eu la chance d'être à Gaza lorsqu'ils ont été autorisés à faire leur anniversaire. C'était en 2012. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu le droit de sortir. C'était fabuleux. En une nuit, donc la couleur du Fatah, c'est le jaune. En une nuit, alors qu'on ne le voyait pas du tout, Gaza, c'est pas en jaune. Il y avait un nombre de gens. Bon, il faut dire que tous nos copains de gauche y étaient aussi. Hein, mais donc, ils ont une base de masse réelle, avec quand même un très... Quand on discute informellement, comme ça, avec son chauffeur de taxi, avec les gens dans la rue, on obtient des réponses qui sont très proches de celles qu'on pourrait obtenir ici. C'est-à-dire, mais on n'y croit plus aux partis politiques, il n'y a que se défendre eux-mêmes qui les intéresse, ils ne travaillent pas pour le peuple palestinien, ils travaillent juste pour avoir une assise, etc. Il reste quand même que le Fatah a une réelle base à Gaza. Il en a en particulier parce que le Hamas, lui, étant le parti au pouvoir, commence à fatiguer énormément la population. Alors, il faut voir que le Hamas, on peut y penser un peu, hein, comme, je ne sais pas s'il faut dire aux Républicains ou au Parti Socialiste, mais voilà, c'est une espèce de grand conglomérat avec des gens fort différents, des extrémistes imbéciles, des gens très ouverts, il y a de tout ça. Ce qui se traduit par une politique qui est parfois en dents de scie. Par moments, ils vont pousser sur la société civile. Ils vont, je crois en 2013, j'étais là-bas, ils ont décidé qu'ils faisaient la chasse aux jeunes gars qui avaient le pantalon un peu bas sur les fesses. Faire la chasse, ça veut dire qu'on les attrape dans la rue, on les amène au commissariat et on les bat. Hein. Ça manque un peu de tendresse. Mais voilà, et puis après, ils vont abandonner. Ils poussent quand même à travers leur appareil et à travers une partie des mosquées qui leur sont acquises, ils poussent quand même à une normalisation dans leur sens, hein, de la société civile. La société civile se défend, c'est-à-dire que ce n'est pas fait. On n'a pas une société qui est mise aux ordres. On a comme ça des petites avancées, des petits reculs, etc. Ils sont au pouvoir depuis quelle année ? Alors, le Hamas prend le pouvoir en 2007. En fait, ça se passe comme ça. Il y a des élections qui se passe en 2005 puis en 2006, et ces élections ont été surveillées par la communauté internationale et elles ont été unanimement, il n'y a pas eu aucun dérapage, jugées comme des élections très saines. Dans ces élections, le Hamas gagne et le premier parti, oui, avec 43%, un peu plus de 43% des voix, il est le premier parti. Et derrière, le Fatah est à 38, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas des rats de marée, hein, c'est des choses un peu... Mais le Fatah paye de plein fouet deux choses. Il paye sa corruption effrénée. Moi, les discours qu'on m'a... Les récits qu'on m'a fait à Gaza de la corruption du Fatah... Le Fatah entre Gaza en 94, avec Yasser Arafat à la tête. Les gens sont dans une joie, on lui fait un accueil fabuleux. Seulement, avec Yasser Arafat, arrive une espèce de bloc de résistants de l'extérieur, de gens qui ont déjà... Bon, c'est le métier, hein, un peu, et qui vont mettre Gaza en coupe réglée. C'est une vraie mafia. Un des noms qui surnage de cette époque, c'est Darlan. Et retenez ce nom parce que la communauté internationale va nous l'imposer comme représentant des Palestiniens incessamment sous peu. C'est un vrai mafieux. Les gens nous disaient, on ne pouvait pas construire à cette époque sans lui avoir graissé la patte. Donc le Fatah a pris ça de plein fouet, et au moins sur Gaza, mais les faits de corruption étaient vrais aussi en Cisjordanie. Et puis Oslo va être une partie disons de la rue palestinienne renifle dès Oslo que c'est une erreur, ce qui s'avérera vrai assez rapidement, hein. Et en 2005 le Fatah paye ça, mais néanmoins, il n'est pas tellement derrière hein, le Hamas. Et contrairement à ce qu'on raconte, les votes sont à peu près identiques à Gaza et en Cisjordanie. C'est-à-dire, par exemple, à Gaza, c'est le Fatah qui est majoritaire à Rafah. Et il y a des parties en Cisjordanie où c'est le Hamas qui est majoritaire. Ce qui se passe, c'est que, bien poussé, probablement, l'histoire n'est pas écrite, hein, mais probablement bien poussé par les instances internationales, Darlan organise un coup d'État. Il dit, bon, le Hamas a gagné. Il y a le Haniyeh, qui est l'actuel dirigeant de la bande de Gaza, est nommé Premier ministre. Et Darlan, à Gaza, va organiser un coup d'État pour les pousser des instances. Sauf qu'il s'aperçoit immédiatement qu'il n'aura pas le rapport de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et il laisse ses camarades se faire assassiner, massacrer. Le Hamas roule là-dessus et prend le pouvoir, il ne le lâche plus. Donc on est dans cette situation. Le Hamas est-il légitime ou pas? Moi, je répondrais oui. Il est légitime. D'abord, il était bien le premier parti. Et ensuite, ce n'est pas lui qui a organisé le coup d'État. Il y a eu comme ça, ça a été très bref les violences, mais elles ont été d'une énorme intensité. Et elles ont laissé la population de Gaza orpheline. Plus jamais les choses ne reviendront en arrière. Voilà. Alors, tout à fait, si on met une échelle allant des laïcs aux religieux, tout à fait à l'extrémité, on va trouver le djihad islamique, qui est un parti qui est respecté. Il est respecté parce qu'il est non, autant qu'un parti puisse l'être, hein, non corrompu. Il est profondément nationaliste, c'est-à-dire il est à l'opposé politique complet de Daesh ou des gens comme ça, complètement. Il est palestinien, il est pour la défense des droits des Palestiniens, il le paye très cher, puisque là, vous avez le poster de tous leurs dirigeants en prison. Le secrétaire général qui nous reçoit, donc il faut bien voir, hein, on arrive et on dit, nous sommes l'Union juive française pour la paix, je vous présente Pierre Stamboul, co-président de l'Union juive française pour la paix. La réaction est sans aucune bavure, vous êtes bienvenus, on est content de parler avec vous, il n'y a vraiment aucun souci, on a eu un débat avec eux. Alors ça ne veut pas dire qu'on se sent complètement d'équerre avec tout ce qu'ils proposent, loin de là, mais la discussion a été vraiment, vraiment tout à fait intéressante. Là, c'est à Gaza, il y a aussi des très grosses associations qui permettent de survivre. Alors, on vous en montre deux ici. Il faut savoir que les deux très grosses associations qu'on va vous montrer, ce sont des militants du Front Populaire de Libération de la Palestine, donc l'extrême-gauche marxiste, qui souvent, soit en restant dans le parti, soit en quittant, considèrent qu'ils seront plus efficaces dans la société civile. Le PCHR, le Centre Palestinien des Droits de l'Homme, dont on voit le logo à gauche, c'est une très grosse association qui a été fondée donc en 95, comme le montre leur panneau. Ils recensent toutes les violations des droits de l'homme, violations politiques, violations économiques, qui sont commises non seulement par l'occupant, mais par chacun des deux gouvernements rivaux. Par exemple, quand on est là-bas, quand on rencontre les députés du Hamas au Parlement, ces députés nous disent... On leur pose la question, il y a des rumeurs dans Gaza qu'il va y avoir des exécutions capitales. Ils nous disent que c'est dans la loi, mais on ne l'applique pas. Le lendemain, trois droits communs sont exécutés. On n'arrive pas à savoir si ils nous ont roulé dans la farine ou si plus probablement ils espéraient l'empêcher ou ils n'étaient pas au courant. On ne sait pas. Immédiatement, le PCHR prend un communiqué dénonçant ces violations. Donc ils sont absolument sans pitié. Ils dressent tous les jours les bateaux à raisonner, le ciment qui ne peut pas passer, les paysans sur qui on a tiré, tout est... Et ils envoient régulièrement à toute la communauté internationale tous ces rapports. À droite, vous avez le logo d'une autre association qui est issue du FPLP, c'est l'UAWC, c'est le syndicat des travailleurs de l'agriculture et de la pêche. C'est eux qui ont entamé, dès la fin de Bordure protectrice, la reconstruction de l'appareil productif. Et quelque chose qui est très intéressant, vous allez le voir un peu après, c'est que pour reconstruire l'économie après les bombardements, l'écologie est quelque chose d'assez fondamental pour y arriver. On va voir comment, avec des moyens écologiques, ils réussissent à remettre en route. Et l'UAWC, donc, ils sont spécialement dédiés à la défense. Ils appartiennent à Via Campesina, avec la Confédération Paysanne, et ils sont surtout donc, dans l'aide aux petits paysans. Donc, on a une société normale, si j'ose dire, avec une offre politique très importante, avec des grosses associations, mais ce qui est très original à Gaza, c'est le fourmillement de toutes petites associations. Il n'y a pas un quartier qui n'a pas son petit jardin d'enfants, c'est... toute la vie est irriguée par le fait qu'il y a un souci, et ben les gens vont se réunir et utiliser un système dont certains pourraient rêver, qui est le volontariat. Il n'y a pas de travail à Gaza. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de travail. Alors, il va y avoir énormément de volontaires pour faire vivre tous ces petits centres. Vous voyez, on en a cité quelques-uns, mais il y en a des milliers. Hein. Le centre Imsina, c'est à Vicenne, hein. C'est un des centres d'enfants qui, justement, résiste bec et ongles contre les pressions des autorités de Gaza, c'est-à-dire du Hamas, pour promouvoir un enseignement le plus light possible, mixte, etc. Nawa, c'est un joli exemple aussi de jardin d'enfants, qui est très fort, qui a une trentaine de salariés, qui peut recevoir jusqu'à 500 enfants, et c'est un petit miracle, parce que c'est dirigé par une jeune femme, Rim, qui était dans les instances para-onusiennes. Hein. Elle était responsable du centre Katan, qui est une chose très... Ah. Oui, c'est qui est une chose très, très connue à Gaza, très, très subventionnée. Très... Et un jour, où vont tous les enfants de la bourgeoisie. Et un jour, elle a posé son stylo et elle a dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et elle est venue construire ce centre Nawa dans l'un des endroits les plus pauvres, à Dar Balar. Et ça fonctionne, évidemment. Elle est surqualifiée pour son travail. Elle a vraiment une habileté à faire ça et un dévouement formidable. Et elle a réussi à implanter dans cet endroit hyper déshérité un lieu de bonheur pour les enfants fabuleux. Toutes ces petites associations, la plupart des petites associations sont réunies au sein d'un réseau qui s'appelle Pungo et qui est une espèce de centre de ressources dans lequel, où aussi tout le monde est volontaire, hein, et qui travaille pour aider quand une association ne sait pas soit faire un site web, soit faire ceci, soit faire cela. Il y a toute une sorte d'aide technique. Alors à Gaza, 72% de la population sont officiellement des réfugiés dépendants de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Il y a quelques réfugiés, notamment les Bédouins du bidonville d'Al-Mugrada qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des réfugiés mais qui ne sont pas à l'UNRWA. Et puis il y a un peu plus du quart de la population qui serait des Gazaouis de souche, si j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui étaient à Gaza ou leurs descendants avant la grande arrivée des réfugiés en 1948. Et dans cette société qui est essentiellement une société rurale, il y a toujours l'organisation traditionnelle. Ce sont souvent des grandes familles de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes et qui élisent en leur sein des moctars. C'est à la fois des maires, des juges de paix, donc des gens qui sont habilités à régler les différends qu'il peut y avoir et à servir d'intermédiaire entre cette société rurale et les autorités. Et là, à gauche, on est à une assemblée générale, j'ai envie de dire à un soviet, parce que vraiment, je ne trouve pas d'autres mots, des moctars de la région centre de Gaza, de la région de Khan Younis. Ces hommes qui sont en majorité plutôt âgés, donc en habits traditionnels et tout, sont dans une colère noire. Ils disent l'occupation, c'est plus possible, vous devez faire quelque chose, quand on leur dit que la société en France, la plupart des gens seraient plutôt pro-palestiniens. Nos dirigeants sont complètement complices du régime sioniste et tout. Ils disent, mais alors, c'est pas la population qui élit les dirigeants. Quand on leur dit que le BDS est criminalisé en France, ils disent, vous avez besoin de notre aide. Mais ils sont très, très en colère et ils nous disent, par exemple, vous imaginez dans notre société, avec tous les bombardements qu'on a eus avec le blocus, on a 100 000 étudiants dans 6 universités, imaginez ce qu'on serait capable de faire si on était libre. Et à droite, parce que ça bouge aussi dans cette société rurale, ben, il y a la première Bokhtara, et maintenant il y en a plusieurs à Gaza. Donc, y compris dans cette société-là, petit à petit, les femmes acquièrent des pouvoirs. Alors, une société donc, qui est à 1000 lieues des deux images qu'on a d'habitude de Gaza, soit une population entièrement tournée vers la résistance, unie derrière son drapeau et qui mourra jusqu'au dernier, c'est pas ça, ou une population terrorisée par des barbus avec les femmes cachées, etc., c'est pas ça non plus. Cette société qui nous ressemble beaucoup, on n'est pas dépaysé hein, quand on est à Gaza, sauf que la société en elle-même est beaucoup, beaucoup plus gentille, quoi. On s'entraide, personne n'est dans la rue. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je sortais de très, très tard d'une réunion un peu houleuse entre internationaux, parce que nous, on passait notre temps à nous disputer en bon militant. J'étais au bord de la rue, je marchais, une voiture s'arrête, me demande où je vais, j'explique où je vais, il me dit, je vous emmène. Quand j'arrive, je tends le shekel habituel qu'on donne pour un transport dans... Et le gars me dit, non, je lui dis, écoutez, vous m'avez conduit, il y a pas de raison. Il me dit, non, moi je suis pas un taxi. Je lui dis, mais enfin, vous m'avez proposé de monter. Il me dit, mais oui, vous avez l'âge d'être ma mère, et moi je ne laisserai jamais ma mère sur le bord de la route. Voilà. C'est très caractéristique de Gaza. Bon, cette société, elle a... Si elle est toujours vivante, c'est qu'elle a développé toute une partie de mécanismes de résistance. Le premier mécanisme de résistance, c'est que Gaza croit toujours dans l'avenir, et pour ça, il éduque ses enfants. Il y a une volonté d'éducation, un investissement des familles dans la réussite scolaire de leurs enfants, qui est absolument extraordinaire, et on en arrive au fait d'avoir une société dans laquelle il n'y a essentiellement aucun illettrisme, où on a un niveau de suivi des études supérieures très important. Vous voyez quand même, hein, c'est pour ça qu'on a mis la photo, il y a un point sur lequel, depuis qu'il est au pouvoir, donc 2007, le Hamas a gagné, c'est sur la non-mixité. Ça, là-dessus, ils ont gagné. Il y a toutes les universités, médecine, tout ça. Il y a toutes les universités qui s'arrêtent en général à la licence. Pardon, jusqu'à qui s'arrêtent à la licence. Il y a tout petit nombre de masters. Et là, ça c'est une des choses, moi en tant que chercheur, c'est une des choses qui m'enrage. Là, il y aurait une importance à jouer pour les systèmes universitaires des pays riches. On devrait vraiment, vraiment pouvoir faire des ponts, pouvoir les... Et quasiment pas ce qui se passe. Alors, ce qui fait qu'en général, pour les masters et en tout cas pour les thèses, ils doivent sortir. Et sortir de Gaza pour un étudiant, c'est invraisemblable. On a vécu là avec Pierre tout à fait récemment l'expérience suivante. Un copain économiste qui a déjà publié, hein, qui est pris en thèse en Tunisie. Ils choisissent d'aller en Tunisie parce qu'on lui promet qu'il y aura une petite bourse. Il était pris depuis il y a un an. Il s'était inscrit pour sortir de Gaza. Ça a mis 9 mois pour qu'il arrive sur la liste de ceux qui pouvaient sortir. En 2 jours, il doit se décider et sortir. Il arrive à Paris, il arrive chez moi, et il commence à faire les démarches pour avoir son visa tunisien. Il n'a jamais eu. Il est reparti à Gaza. Il repère encore un an. Et il a eu une très jolie phrase. Il a dit, mon Dieu, quand on quitte le blocus reste accroché à nous. Alors ça, c'est un autre des mécanismes de la résistance qui est autre que l'éducation. C'est à Gaza, on échange, on transmet, et toute personne qui a une expérience, qui a un savoir et tout, va la transmettre. Là, on est dans un des endroits les plus déshérités, tout à fait dans le nord de la bande de Gaza, dans un endroit où les rues ne sont pas asphaltées, où les maisons sont extrêmement pauvres. Il y a un petit centre de ressources qui s'est créé, et il y a une formation. Et alors, celui qui parle, c'est un ambulancier, donc lui, il a un métier, il a un salaire. Celles et ceux qui sont autour, c'est surtout des jeunes mères et quelques jeunes hommes qui sont là. Et de quoi il parle? L'ambulancier explique, il dit, vous avez eu 3 bombardements en 5 ans, il y en aura forcément d'autres. Donc je vais vous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire en première urgence quand il y a des blessés dans la maison, quand on ne peut plus sortir, voilà. Et donc c'est ce savoir-là qui est dispensé, et toutes les jeunes femmes et tout prennent des notes. Mécanisme de résistance essentiel, le refus d'être assisté. Si vous lisez, vous devez avoir l'habitude, hein, si on reprend un peu ce qui est arrivé aux peuples qui ont été dépossédés de leur terre, typiquement les Indiens d'Amérique, etc., ça passe toujours à un moment donné par les empêcher de produire. Et pour les empêcher de produire, on leur donne des petits subsides. Hein. C'est arrivé de manière terrifiante pour les Indiens de la Terre de Feu, c'est arrivé pour les Indiens d'Amérique. On peut lire ça dans les mémoires de Geronimo, où il explique très bien que quand il voit qu'il s'est battu vraiment, lui, jusqu'au dernier cheval, hein. Quand il voit qu'il ne peut plus, on lui dit « Mais tout se passera bien, rassemblez-vous avec les derniers qui vous restent, rassemblez-vous à cet endroit-là. » Mais il dit « Mais à cet endroit-là, moi, je ne peux pas chasser. » »« Mais ne vous inquiétez pas, on va vous apporter la nourriture. » Et c'est ce qui arrive à Gaza. À Gaza, c'est un marché complètement captif. Les seules denrées qui arrivent, elles arrivent par Israël. Et on pousse les Gazaouis à renoncer à produire. Et là, il y a vraiment, vraiment une conscience aiguë du fait qu'il faut pas entrer dans cette spirale-là. C'est bien l'OUA qui est l'une des plus grosses organisations qui se bat, mais il y a plein d'autres organisations qui se battent pour ça. Et vous voyez, dans la photo de gauche, la façon dont la réflexion écologique et la réflexion de résistance peuvent venir ensemble. Gaza a toujours produit des fraises, aussi loin qu'on remonte dans les chroniques, on parle des fraises de Gaza, elles sont délicieuses. Le problème des fraises, c'est que ça demande beaucoup d'eau. Et non seulement les terres sont à chaque fois ravagées, mais l'eau est en train de diminuer drastiquement. Alors, ils ont lancé depuis 2014 un système de production hors sol. Les pieds de fraises sont implantés dans de la tourbe qui peut faire plusieurs rotations. On économise jusqu'à 95% de l'eau d'arrosage. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment carton plein. Alors vous allez me dire, c'est pas encore l'autonomie. Non, c'est pas l'autonomie, parce que la tourbe, il faut qu'elle vienne de la solidarité internationale et les serres aussi. Les serres viennent d'Australie, là. Mais néanmoins, c'est un beau pied de nez à la volonté de rendre assisté. Et ce que vous voyez là, c'est les pépinières. Alors ça, vous en avez un petit peu partout sur le territoire de Gaza. C'est des bébés arbres, ils sont là, ils attendent. Si un jour, à nouveau, la terre est ravagée, ben, ils sont déjà prêts à reprendre racine. C'est des arbres de quoi ? La plupart des pépinières, vous avez de la plante aromatique, vous avez des bébés oliviers qui sont prêts à être plantés, ouais, plus des choses que moi je ne connais pas. Les arbres, ce que traditionnellement produisait Gaza, ce pourquoi la terre de Gaza est particulièrement bonne, c'est les fruits, les agrumes. Et ça, entre deux murs démolis, dans un tout petit carré, vous allez voir qu'il y a un verger qui se cache, quoi. Les vergers se cachent à l'intérieur de la ville, comme ça. Et là où ils sont, c'est évidemment tout de suite magnifique, parce que pour un œil un peu plus nordique comme les nôtres, ces arbres avec leurs feuilles toutes vernissées et leurs grands fruits, c'est juste magnifique. Tout à l'heure, vous parliez de problème de l'eau. À un moment, il avait été question de construire une usine Coca-Cola. Elle se construit. Ils vont apporter l'eau. Qui utilise de l'eau. Ah oui, mais ils vont l'apporter, l'eau. Il n'y a pas d'eau possible. Ils vont l'apporter. Sur la zone frontière, sur la barrière de sécurité, que l'eau qu'on puise, on vous montrera les images, est potable et de bonne qualité. Dans Gazaville, quand vous vous brossez les dents, quand vous prenez la douche, c'est salé, c'est dégueulasse, c'est impropre à la consommation. Et y compris pour l'agriculture. Donc pour l'usine de Coca, c'est sûr qu'ils vont apporter l'eau. Il y a une espèce de curieux. De temps en temps, il y a comme ça un gros investissement qui est décidé par la communauté internationale pour Gaza. Simplement, si on voit ce qui lui est arrivé, bon, le premier, ça a été l'aéroport. Il n'y a pas un seul avion qui a pu voler, hein, puisqu'il a été écrabouillé avant d'avoir été mis en service. Il y a eu le port, qui a été détruit chaque fois, de manière à que seuls les bateaux avec très peu de tirant d'eau puissent rentrer dedans. Il y a maintenant en route qui doit démarrer dans les mois qui viennent une usine de désalinisation. Et il y a cette, que nous on n'avait jamais vue, hein, cette décision d'usine Coca-Cola. Je ne crois pas que ce soit la solution. Je ne crois franchement pas que ce soit la solution, mais ça montre quelque part qu'il y a des capitaux qui croient que la situation va se stabiliser, peut-être avec une population d'esclaves, hein. Les capitaux, ils s'en foutent hein, du statut des gens, mais qu'on va pouvoir produire. C'est probablement... Il y a eu, sur cette idée de solution technique au problème de Gaza, moi j'ai une belle anecdote, parce que ça s'est passé au moment où j'y étais, et j'ai trouvé que c'était particulièrement... Je crois que c'est le Danemark. Oui, c'est le Danemark. Gaza meurt, et je ne l'ai pas dit à propos des fraises, mais je devrais le dire. Un des problèmes avec la production, le fait de produire, c'est que la production agricole, par principe, elle est saisonnière. Et quand les fruits sont là, il faut les vendre. Donc il faudrait pouvoir exporter, et en particulier exporter sur la Cisjordanie, qui ne demande que ça. Israël empêche. Donc, à un moment donné, le Danemark avait dit, mais pourquoi vous empêchez ? Et les Israéliens avaient dit, vous comprenez, on ne peut pas laisser sortir des camions, il pourrait y avoir n'importe quoi dedans. Et à ce moment-là, le Danemark, comme pays, hein, dit, ben, nous, on a la solution. Il existe des choses qu'on appelle le scanner à camion, dans lequel le camion entier rentre, et à ce moment-là, il devient complètement transparent, on voit tout ce qu'il y a dedans, il n'y a aucun souci. C'est un équipement cher, mais on va vous l'offrir. Donc, ils investissent. Le scanner à camion est construit et le Premier ministre vient à Jérusalem et s'apprête à rentrer à Gaza pour inaugurer le scanner et fait une jolie déclaration en disant « Enfin, les produits de Gaza vont pouvoir être exportés ». Et à ce moment-là, le ministre de la Défense israélien lui dit « Que nenni, le fait de séparer Gaza de la Cisjordanie, c'est notre politique. Et qu'il y ait scanner à camion ou pas, de toute façon, ils ne sortiront pas ». La seule chose qu'a pu faire le Premier ministre, c'est de repartir sans inaugurer, pointe à la ligne. Donc ces idées de gros investissements, moi j'y crois guère. Hein. J'y crois guère. C'est pas une nécessité le Coca-Cola que je sache. Non, il y a des fruits derrière à faire sur ma vie. Vous avez une population hautement éduquée et qui ne travaille pas. Ils fument beaucoup aussi. Ils boivent Coca-Cola. On boit beaucoup de soft, hein, malheureusement. On fait une nourriture qui est juste géniale. Et qu'on arrose de Fanta, moi, chaque fois, ça m'arrache le cœur. Bon. Mais probablement, c'est un raisonnement en ce sens. Il n'y a pas de travail, on va fournir du travail. Oui, je suis d'accord. Ah, là, on est dans le bidonville d'Al-Mughrada. On est au bord du Wadi Gaza, qui est un bout à ciel ouvert. Les Bédouins qui arrivent là, ils ont été... Le vieux monsieur, il nous a montré sa carte d'identité, il est né en 1936. Il est un de ceux qui nous ont raconté sa Nagba, sa catastrophe, donc comment en 1948, ils ont été chassés par les avions qui volaient en rase-mode en déversant leur dynamite du nord du Negev. Ils sont d'abord arrivés en Égypte, puis au camp de Canyonis, et quand Israël a occupé la bande de Gaza en 1967, elle a rasé l'endroit où ils habitaient dans Canyonis pour construire une route, ils se retrouvent sans rien. Parce qu'il ne dépend pas d'une race. C'est le dénouement le plus complet. Et pourtant, ce monsieur va nous raconter la Nakba en termes extrêmement précis. Il est au courant de toute l'actualité. Quand il sait qu'on est français, il nous parle de De Gaulle, il nous parle de l'initiative française, qui était quelque chose dont on parlait au mois de juin, qui a disparu des radars, parce que c'était une fois de plus une tentative des Occidentaux d'imposer une capitulation aux Palestiniens. Et Ben-Gurion avait eu cette phrase terrible sur les Palestiniens en disant « les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Et là, vous voyez, il est à un endroit où il n'y a ni eau courante, ni maison, ni WC, ni rien. Et il explique, il raconte une fois de plus comment ils sont partis, d'où ils sont partis et tout. Et ça, personne ne peut l'oublier. Ceux qui s'imaginent qu'il puisse y avoir une solution à cette guerre sans la question du droit au retour des réfugiés se trompent totalement. C'est-à-dire que eux qui n'ont rien... Ils ont l'attachement par-dessus tout à leurs racines, qui sont ce qu'il leur reste et ce qu'il leur reste par le récit. Et ça, à Gaza, quand vous demandez à quelqu'un d'où il est, il ne vous dira pas « je suis du camp de machin truc ». Il y a 8 camps à Gaza, hein. Et maintenant la majorité des réfugiés vivent hors des camps. Mais ils diront, ils raconteront de quel village ils sont venus, et soit eux-mêmes s'ils sont très vieux, soit le récit des parents, ils vont le raconter. Et on a eu, on les a mis dans les chroniques, on a eu 4 récits, très très concordant, sur la façon dont la population est arrivée à Gaza. Ils ont déplacé de tout le sud d'Israël et du nord du Negev. Alors, face à cette situation, que faire? La première des choses à comprendre, je crois, et c'est ce que je voudrais plaider devant vous, c'est que notre front de combat, il est ici. C'est-à-dire, dans les mécanismes d'impunité d'Israël, notre pays joue un rôle majeur. L'Union européenne en commun tout, et notre pays en particulier. Et ça, c'est vraiment, vraiment la chose qu'il faut affronter de face. Alors, c'est très, très bien senti, hein, en Israël, en particulier, toute une machinerie de propagande est mise officiellement, hein, en route pour essayer d'expliquer qu'ils sont les gentils et que c'est les autres qui sont les méchants. Il faut absolument contrer ça, et certainement toutes les victoires qu'on peut obtenir sur le comportement de nos élus et puis plus largement de nos assemblées, c'est quelque chose qui a un poids formidable. Alors c'est pas toujours simple, hein. Les gens peuvent changer. Vous voyez, l'une des municipalités qui se comporte de la manière la plus active, c'est Évry, qui est dans la région parisienne, hein. Ils ont signé un protocole d'amitié il y a maintenant une douzaine d'années. Le protocole d'amitié, il a été signé donc par les représentants palestiniens et par le maire d'Évry de l'époque, qui s'appelait Manuel Valls, et qui explique maintenant qu'il est indissolublement... Sa femme étant juive, il est indissolublement lié à la sécurité d'Israël. Donc, c'est sexuellement transmissible. Donc, notre front de combat, c'est clairement ici. Ensuite, le point le plus actif de la société gazaoui, ce sont les volontaires. Et donc, c'est les volontaires qui tiennent vivante la société civile. Donc, si on veut aider, l'idée, c'est vraiment d'aider les volontaires. Ici, c'est un des exemples de ce processus de volontaires. On est à l'hôpital de Shifa. Shifa, c'est le plus grand hôpital de Gazaville et le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Il est en tension tout le temps. Parce que, d'abord, il est en tension. Moi, je l'ai vu fonctionner sous les bombardements. C'est juste terrifiant. Mais il est en tension aussi tout le temps parce qu'il y a tout le temps des petits bombardements. Il y a tout le temps un blessé ici, un mort là, un pêcheur, etc. Donc, il est tout le temps sous tension. Et le personnel médical. Et puis aussi des gens qui, depuis le temps qu'il y a le blocus, etc., craquent. Des enfants qui sont mal. Voilà. Or, pour tout l'hôpital, il y avait une psychologue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son Facebook, et elle a appelé un volontaire, des diplômés s'il vous plaît, elle a obtenu 100 réponses immédiatement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle les a sélectionnés, sur écrit et sur oral. C'est-à-dire que une majorité de jeunes filles, hein, ils sont 26 et il a dû passer 3 gars. Ces jeunes gens-là, ils ont accepté de se faire sélectionner sur examen pour avoir le droit de travailler sans salaire, sachant que c'est eux qui payent leur uniforme, qu'ils ont d'ailleurs dessiné, et que c'est eux qui payent leur transport, ce qui fait qu'en général, ils viennent à pied. Voilà, ça c'est Gaza, et ça, si on veut aider, en aidant les volontaires, on aide la société à se tenir debout. On a réussi à les jumeler un petit peu avec Médecins du Monde Gaza, donc c'est une des réussites de ce qu'on a eu dans le voyage. Là, on rencontre le BDS de Gaza. Celui qui est le deuxième à gauche, c'est Haider Haït, c'est un universitaire. Il était déjà à la conférence de Durban il y a 15 ans, Durban en Afrique du Sud, la conférence qui avait décrété que le sionisme était une forme de racisme. À Gaza, le boycott des produits est très difficile puisque c'est un marché captif et puisque, en gros, Gaza est autosuffisant en légumes et en poulet, mais pratiquement tout le reste, il faut acheter israélien. Donc, en ce qui concerne les magasins, le mot d'ordre, c'est si vous avez le choix, vous boycottez Israël. Sinon, bien sûr, ils ne peuvent pas boycotter. Mais eux, ils nous ont raconté, ils sont au courant absolument de tous les succès qui ont été remportés à l'international, surtout en termes de sanctions, de désinvestissement. Et eux sont antérieurs à l'appel palestinien au BDS. L'appel palestinien au boycott, il date de 2005. C'est 172 associations de la société civile de Palestine, dont vous en avez vu quelques-unes, comme le PCHR, l'UACS, et qui ont lancé un mot d'ordre sur 3 revendications. 1. La liberté, c'est-à-dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, fin du blocus de Gaza, destruction du mur, libération des prisonniers. 2. Sur l'égalité, ça s'adressait essentiellement aux Palestiniens d'Israël, égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens. Et 3. Sur la justice, puisque le crime fondateur a été l'expulsion du peuple palestinien de sa terre, le droit au retour des réfugiés. Mais eux, avant même l'appel de 2005, ils avaient lancé le boycott universitaire et culturel. Il faut bien comprendre que le boycott tel qu'il est conçu en Palestine, il est total. On boycotte un pays dont le tribunal Russell a considéré qu'il était coupable du crime d'apartheid. On le boycotte sur tous les plans, politique, économique, culturel, universitaire, syndical, sportif, militaire, bien sûr. Et en ce qui concerne le boycott universitaire, toutes les universités en Israël appartiennent au complexe militaro-industriel. Toutes fabriquent des armes, toutes ont des intérêts énormes dans la colonisation. En ce qui concerne le boycott culturel, il ne s'agit pas de dire on boycotte les Israéliens. Tous ceux qui aiment les livres d'Amos Oz ou les films d'Amos Vita, il n'y a strictement aucun problème. On boycotte les Israéliens dès le moment où leurs manifestations culturelles sont chapeautées par un consulat, une ambassade. D'ailleurs, des grands intellectuels israéliens maintenant, comme Amos Oz, refusent, quand ils se produisent à l'étranger, que la moindre ambassade ou le moindre consulat mette les pieds dans sa tournée. Eux sont absolument au courant de toutes les universités américaines ou anglaises qui ont voté le boycott, de toutes les villes d'Espagne ou de Norvège qui refusent maintenant les rapports avec Israël, et ils espèrent énormément. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est cette guerre est née de l'étranger, elle est née de la décision de l'ONU de la partition de la Palestine en 1947, elle est née du fait que Israël a été admis à l'ONU alors qu'il refusait la résolution 194 qui prévoyait le retour des réfugiés dans leur foyer, et qu'au contraire, les Israéliens ont immédiatement détruit plusieurs centaines de villages palestiniens. Et ils disent la solution de cette guerre, c'est à la fois notre résistance pacifique à nous et la solidarité internationale qui imposera par le boycott un changement de politique et des sanctions contre Israël. Donc ils comptent énormément sur nous, et tous les partis politiques, toutes les associations à Gaza sont pour le boycott. Alors, un dernier mot sur la dernière action. L'UGFP, vous comprenez bien, on n'est pas du tout une organisation humanitaire, hein, et on n'a pas l'habitude de faire des levées de fonds. On en a fait une au mois d'août, quand on est rentré, pour le château d'eau de Couza. Couza, c'est la barrière Est. Couza, c'est un endroit extrêmement particulier parce que c'est un endroit où les paysans se sont battus pour regagner contre la no-go zone, contre la dite zone tampon, regagner leur terre pour avancer le plus près possible de la barrière. Et dans ce combat-là, ils en ont appelé aux solidaires internationaux, donc avec plein d'autres, hein. Mon travail pendant presque 2 ans, c'était de me placer entre la barrière et les jeeps israéliennes et les paysans qui travaillaient derrière notre dos pour se placer en bouclier. On a donc, comme ça, gagné beaucoup. C'est très important. Si on gagne ne serait-ce qu'une tranche de 10 mètres, mais sur les 40 km de long, on augmente beaucoup la capacité à nourrir la bande. Donc c'était un combat auquel ils étaient habitués. Et depuis toujours, celui que vous voyez là, qui est le Mokhtar de la partie sud de Couza, à Boujamal, disait « Oui, mais ça ne va pas suffire, il faut aussi qu'on puisse irriguer. » Parce que ce dans quoi le Gaza peut être autonome, c'est les légumes. Ils font aussi un peu de blé, hein, contraint et forcé, hein, sur une terre qui, en fait, ne demanderait plutôt qu'à porter des orangers et des citronniers. Mais ça, Israël a dit niet, et l'ONU s'est pliée. Donc l'ONU a expliqué qu'il fallait des cultures qui ne gênent pas la vue. Ah oui, ça m'a été dit en face, hein, en face. Vous comprenez, c'est un problème le blocus parce qu'on n'arrive pas à faire venir les experts étrangers qui pourraient mieux expliquer aux paysans gazaouis comment faire des cultures qui ne gênent pas la vue des soldats israéliens. Oui, textuellement. Le responsable. Voilà. Alors, il faut pas. Donc, il faut un peu de blé. D'autant plus que le blé, une fois qu'on l'a semé, on n'est pas obligé d'y retourner. Donc on limite les occasions de se faire tirer dessus. Mais ceux dont la bande de Gaza a besoin et ceux qu'eux veulent faire, c'est des légumes. Et les légumes, ça demande beaucoup d'eau. Or, à Couza, il y en a. Sur l'Est, il y en a. Il y a une très bonne nappe phréatique, elle est buvable. C'est un des rares endroits où il reste de la bonne eau. Le problème, c'est qu'elle est sous les pieds, donc il faut la pomper. Et pour la pomper, il faut de l'électricité. Or, de l'électricité, on en a très peu. Ce qui fait qu'au moment cruciaux, et ça s'est reproduit encore quand nous, on y était, on a vu le Mokhtar revenir complètement démonté, au moment cruciaux où pendant peut-être 15 jours, il faudrait pouvoir, les légumes sont presque à maturité, pour qu'ils viennent à maturité au lieu de sécher, il faut arroser. Au moment cruciaux, il faudrait pouvoir pomper l'eau tout le temps. Et ça, le Mokhtar revenait de faire une délégation auprès des responsables de la fourniture d'électricité et des autorités de Gaza. Et il revenait battu, on lui avait dit non, ça c'est pas possible. Donc il était vraiment dans un état de rage et on a dit écoutez, on va essayer. Parce que l'idée du château d'eau, elle est simple, hein. Quand il y a de l'électricité, on monte l'eau et puis après on peut la descendre pendant 24 heures si on veut. Voilà, on l'a lancé cet appel, peut-être vous l'avez vu passer, on n'y croyait guère, hein, Pierre et moi. On savait qu'on récolterait un peu, mais qu'on arriverait au bout, on ne pensait pas. En fait, on y est arrivé, on a à peu près la somme. On a envoyé 18 000 euros. À 4-5 000 euros près, ils vont boucler. Et on est particulièrement heureux parce que le château d'eau que vous allez voir ici, eh bien, il est à quoi 400 mètres, je dirais, de la barrière de sécurité. C'est-à-dire que les deux qui passent vont très bien le voir. Et sur ce château d'eau, il y a l'annonce. Mouvement solidarité français, Union juive française pour la paix. C'était écrit avec des lettres. C'était écrit aussi en hébreu et en arabe. Ah. On dit quand même en hébreu, ça va un peu mal passer dans le coin. Alors on l'a laissé en français et en anglais. Et donc voilà. Maintenant que le château d'eau est quasiment fini, on a écrit au consulat de France à Jérusalem, parce qu'évidemment c'est une cible simple. Ouais. Et des châteaux d'eau ouverts qui ne peuvent plus servir, il y en a plein. Hein. On a écrit en disant voilà, ça c'est le don du mouvement de solidarité français. Donc vous, consulat français, on considère que vous êtes responsable de la sauvegarde de cet équipement. On s'attendait qu'une fois de plus, parce qu'on est très habitué à ça, ils ne nous répondent pas. On a reçu quasiment dans l'heure suivante une réponse un peu sibylline, bien reçue, etc. Mais quand même quelque chose. Donc voilà, on vous tiendra au courant des... Il n'y a pas de vent en Palestine ? De vent ? Le vent. Il y a énormément de vent. Et alors, ils ne peuvent pas faire tourner par... C'est comme tous les équipements. C'est comme l'air. Oui. C'est comme tous les équipements. Il y a énormément de vent, il y a énormément de soleil. Eh ben alors, ils peuvent faire et alors, chaque fois qu'une entreprise rentre quelque chose... Elle peut monter par le vent. Dès qu'il y a un bombardement, c'est ça qu'on détruit en priorité. Donc vous comprenez que, par exemple, les panneaux solaires, il y en a. L'UAWC monte des panneaux solaires dans les fermes, les équipes. Mais, comme vous avez expliqué, dès qu'il y a la guerre, la première chose qui bombarde et qui détruit... C'est tout ce qui pourrait rendre les Palestiniens autonomes. Donc la première chose, c'est les panneaux solaires. On les fout en l'air. Ça coûte quand même assez cher. Ouais. Hein. Ouais. Alors c'est sûr qu'on pourrait, dans une période de paix, avec une population acharnée à produire comme ça, on pourrait se tourner vers toutes sortes de solutions. Le problème, c'est qu'actuellement, ce qu'il faut, c'est des solutions, si j'ose dire, qu'on puisse réparer vite, le plus pérenne possible, etc. Ah oui. Donc, voilà. Mais bien sûr, là aussi, une collaboration entre des universités ou des instituts de technologie avec Gaza serait d'une aide formidable. Mais nos chers collègues, je les trouve vraiment, vraiment frileux sur ce point-là. Il faut dire que, bon, ça Pierre est un spécialiste là-dessus, il faut dire que le milieu intellectuel français se sent mal à l'aise parce que dès qu'il brandit l'étendard de l'antisémitisme, il rentre sous la table, comme si c'était de l'antisémitisme que d'imposer à Israël d'arrêter de torturer un autre peuple. Mais moi, je suis là où j'ai été étonnée, c'est que le 15 janvier, enfin au mois de janvier, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation à Marseille pour Charlie Hebdo, je suis Charlie, enfin bon, eh bien, sur le monument de Castellane, il y a eu, j'ai la photo, hein, un drapeau israélien collé avec un drapeau palestinien, et puis le drapeau français, puis un autre drapeau européen. J'ai trouvé ça, je me suis dit, si les Palestiniens et les Israéliens s'entendent ici à Marseille, pourquoi ils ne s'entendraient pas là-bas, quoi, finalement. Je ne sais pas qui a fait ça. Non, mais attendez, alors je voudrais faire une chose, attends, parce qu'après je vais la perdre, l'idée. C'est-à-dire du fait que mon copain d'école, là, qui a 80 ans comme moi, donc mettons que nous soyons été à l'école tous les deux, eh bien, je dirais une chose qui a été dite dans une conférence aussi où j'avais assisté, qu'en somme, bien avant 1947, eh bien, les Israéliens ils commençaient à acheter des terres en Palestine. Mais ils ne s'adressaient pas aux paysans, aux petits paysans, ils s'adressaient à ceux qui étaient comme nous. Par exemple, nous avons les métayers qui travaillent pour un noble ou un plus riche qui est sur Avignon ou sur Aix ou sur Marseille, mais qui a quelques comme ça. Et en somme, mon copain d'école, il faudrait se renseigner s'il était le fils du patron qui avait les terres comme ça, mais qui occupait les petits paysans dans tous les villages, ou s'il était le fils du petit paysan qui était ouvrier pour cette chose-là, parce que nous avons fonctionné de cette façon-là longtemps, en somme. Que le métayer, il employait des gens du village pour aller faucher, parce que bon, il n'y avait pas encore. Moi, à mon époque, moi, j'ai même vu les gens faucher les blés, alors que maintenant, les enfants, tu leur dis, mais ils se demandent comment ça se fait, quoi, voilà. Alors, je voulais dire ça. Alors, je vais vous donner des précisions, monsieur. Voilà, alors, vous me dites sur la Palestine, l'origine du petit garçon. Sur la Palestine, sur la question de la terre, les choses étaient assez claires. Quand les sionistes sont arrivés, ils avaient un rêve que cette terre devienne une terre juive. Ils ont créé dès 1901 quelque chose qui s'appelle le KKL, Keren Kayemet l'Israël, le Fonds National Juif, dont le but était prendre la terre par tous les moyens pour en faire une terre juive, qui devenait une terre interdite aux Palestiniens. Dans le mode de propriété qui existait en Palestine, il y avait, mais pas partout, dans pas mal d'endroits, des féodaux, des grands propriétaires absents, qui la plupart du temps habitaient Beyrouth ou habitaient ailleurs, et qui utilisaient des métayers présents. Et vous devez bien avoir conscience d'une chose, la vente de la terre à l'amiable faisait qu'en 1948, donc on est 45 ans, 50 ans après l'arrivée des premiers sionistes, les sionistes n'ont que 8% de la terre en Palestine. Donc, ne nous trompons pas, immédiatement après la guerre, quelques mois après, 95% de la terre appartient aux sionistes. Donc le principal phénomène pour avoir pris la terre n'est de toute façon même pas un achat de terre à des féodaux absents pour en expulser les métayers présents, c'est la guerre. C'est la guerre et c'est l'Anakba et c'est le plan d'Alet. D'Alet, c'est la lettre D en hébreu qui prévoyait l'expulsion de tous les Palestiniens au-delà du Jourdain. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui... on a voulu prétendre que ça ne s'était pas passé comme ça. Maintenant, tous les historiens israéliens en premier ont reconnu que c'était comme ça. Ensuite, vous devez bien avoir en tête que les institutions israéliennes, pas encore israéliennes, les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de sa terre ont été créées 40 ou 50 ans avant la création de l'État d'Israël, 40 ans avant Auschwitz. La Banque coloniale juive, son nom dit bien ce que ça veut dire, elle est créée en 1898. Son but, c'est de ramasser les fonds pour avoir la terre. Le KKL, le Fonds national juif qui plante des arbres sur les anciens villages palestiniens qu'on a détruits, il est fondé en 1901. La Haganah, qui est l'ancêtre de Tsahal, de l'armée, s'est fondée en 1920. La Histadrut, qui est le syndicat sioniste, dont l'article numéro 1, c'est la défense du travail juif, et qui, dès 1920, disait qu'il faut boycotter les magasins arabes et acheter uniquement dans les magasins juifs, s'est fondée en 1920. L'agence juive, celle qui répartit les immigrants sur les terres volées aux Palestiniens, elle est fondée en 1928. Donc l'appareil d'État du futur État d'Israël, il a été créé 20 ou 30 ans avant. C'est un mécanisme colonial extrêmement bien réglé et qui a mis en coupe réglée le pays. Ça, c'est toute autre idée est fausse. Mais il a rencontré une adhésion forte à ce moment-là déjà Des Israéliens? Ouais. Comment dire, une partie de la population juive qui est arrivée là n'est pas venue pour faire le nettoyage ethnique et n'est pas venue pour vider les Palestiniens de leur pays. Deux ans avant la guerre de 48, en 46, donc on est juste, alors qu'au sortir de la guerre, il y a des rescapés des camps qui sont d'ailleurs envoyés de force en Palestine parce qu'ils préféraient aller aux États-Unis ou ailleurs, mais qui sont envoyés là-bas. Il y a des élections dans le Yishuv, donc parmi les juifs qui vivent dans le futur État d'Israël, sont 450 000, et la liste conduite par Martin Buber pour un État binational obtient 45% des voix. C'est-à-dire que deux ans avant la catastrophe, la Nakba, le nettoyage ethnique, presque un futur Israélien sur deux n'est pas pour le nettoyage ethnique, il est pour vivre avec les Palestiniens. Mais j'ai envie de dire, c'est comparable à ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire que les pieds noirs n'étaient pas tous pour l'OAS, dès que l'OAS a commencé la politique de la terre brûlée, le courant politique qui pouvait être celui des pieds noirs acceptant l'indépendance et acceptant de vivre avec les autres a disparu. En Israël, il s'est passé la même chose. Ceux qui voulaient vivre avec les Palestiniens comme courant politique ont disparu dès les premiers coups de feu de la guerre. Mais le projet sioniste, c'était l'expulsion depuis 40 ans. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont réalisé. Il y a pourtant le mythe d'une Palestine avec... le mouvement sioniste socialisant, quoi, avec C'est vraiment un mythe, et je suis content d'en parler chez les Anars, parce que chez les Anars, il y a eu énormément d'illusions sur cette question-là. Même la pauvre Emma Goldman, elle s'est fait avoir. Alors, lisez, je fais ressent là-dessus. Le kibbutz, je le sais parce que j'étais sioniste dans ma jeunesse, j'ai travaillé au kibbutz. Le kibbutz, c'est un socialiste pour juifs seulement. Si jamais un kibbutznik avait l'idée malheureuse de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient expulsés tous les deux. Le kibbutz est strictement interdit aux Palestiniens. Qu'est-ce que c'est qu'un socialisme qui est réservé pour une minorité, un socialisme ethnique? Ça fait quand même extrêmement bizarre. Le kibbutz, c'était un instrument de conquête. Où est-ce qu'on a mis les kibbutz? On les a mis en Galilée, où il y avait une majorité de Palestiniens, on les a mis à la bordure du Negev, on les a mis sur les zones frontières. Et pourquoi? Parce que c'est la question précédente. La colonisation de la Palestine ne pouvait pas être une colonisation individuelle, justement à cause du mode d'appropriation de la terre. Ça ne pouvait être qu'une colonisation collective. Aujourd'hui, c'est plus les kibbutz qu'on fait, c'est les blocs de colonies, c'est les gigantesques villes qu'on voit apparaître en Cisjordanie. Le pire aujourd'hui, les kibbutz ont privatisé leurs cantines, ils sont tous cotés en bourse, ils ont tous diversifié leurs activités et l'activité agricole est devenue une activité secondaire. Ce qu'on fait qui rapporte beaucoup plus de fric, c'est les gilets pare-balles, c'est les munitions et tout. Donc voilà, je veux dire que vous ne pouvez pas imaginer un îlot, c'est bien que j'en parle chez les Anars, un îlot socialiste dans une société raciste et militariste. Cette idée-là, elle est absurde. Or, c'était une société qui s'est bâtie, comme elle s'est bâtie sur la conquête coloniale, qui ne pouvait être au départ que raciste. Alors, après les illusions sur l'existence d'un sionisme socialiste, pour moi, sionisme et socialiste, c'est un oxymore complet, c'est comme on parlait d'un fascisme socialiste. Je veux dire que le courant qu'on appelle gauche sioniste, donc en gros le courant du Parti travailliste, ou du Meretz, qui est un peu à sa gauche, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel il n'est pas trempé. La guerre de 48, le plan d'Alet, c'est Ben Gurion, c'est l'expulsion de tous les Palestiniens. La guerre de 56, c'est Moshe Dayan, encore un travailliste. La construction du mur, c'est Fouad Ben Eliezer, un travailliste. La décision de coloniser, c'est pas la droite religieuse qui l'a prise, c'est Yigal Adol, ministre travailliste en 1967. L'attaque plomb durci sur Gaza, c'est Ehud Barak. Je peux en citer plein là-dessus. Il n'y a pas... Et puis bon, vous avez eu le fin du fin de ces gens-là, Shimon Peres qui vient crever, je veux dire, il n'y a pas un crime contre les Palestiniens dans lequel il n'a pas trempé. Même Rabin comporte en respect parce qu'il en est mort assassiné, entre la signature des accords d'Oslo et l'assassinat de Rabin, il se passe 26 mois, il installe 60 000 nouveaux colons. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, entre sionistes dits de gauche et sionistes de droite, il peut y avoir une divergence de méthode, mais il n'y a pas une divergence de finalité. Et les Palestiniens seront les Indiens du Proche-Orient, c'était ça dès le départ. Et t'as raison, hein, il y a des bouquins dans les années... Après 68, il y a des bouquins sur l'autogestion, et il y avait souvent un chapitre sur les kibbutz. Et il y a des, pas mal de jeunes anars qui ont été là-bas dans les années 70, parce qu'ils avaient une vision un peu... Et puis surtout qu'ils ignoraient, je veux dire qu'ils ignoraient le passé, parce qu'on est en 68. Maintenant, on sait, les archives sont sorties, quand il y a la guerre de 56 et la guerre de 67, à deux reprises... Les Israéliens vont commettre des véritables crimes de guerre en exécutant les prisonniers égyptiens déclarés intransportables par centaines. Je veux dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y avait la légende en 48, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Maintenant que toutes les archives sortent, on sait comment la Palestine a été nettoyée, à coups d'avion, à coups de bombardement à la dynamite et tout. Et qu'ils avaient des listes nominatives des notables qu'il y avait dans chaque village, il fallait que ces gens disparaissent. Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en avez pensé du bien, c'est une bande dessinée de Joe Sacco qui est Gaza. C'est 56 aujourd'hui, et il y a des images un peu qui ressemblent à ce que vous avez montré. Enfin, on voit vraiment la frontière avec les immeubles. Les Israéliens gagnent du terrain, démolissent de plus en plus parce que les immeubles en face, il peut y avoir des tireurs. Donc on avance, on recule. Et là, par contre, ce qui est un peu optimiste, c'est que vous dites que maintenant, on plante plus près, dans l'autre sens. Je peux dire une chose. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Oui. Hein. Mais lisez c'est un roman graphique, hein, c'est une grosse BD de 200 pages qui est vraiment excellente. Hein. Ouais. Sur le fait que la vie n'est pas simple et que le pouvoir n'est pas simple. Quelquefois on a l'image romantique comme ça que le Fatah il est tout pourri parce qu'il passe son temps à négocier et que le Hamas lui pur et dur il ne se laisse pas corrompre. Bien sûr que non, bien sûr que c'est pas comme ça. Le Hamas il est au pouvoir à Gaza, donc il est obligé de négocier. Et il négocie y compris contre sa propre population. Donc dans ces terres dont je vous parlais, ces terres qu'on espère pouvoir irriguer par le château d'eau, tout au long des 40 km après les bombardements de 2014, les autorités de Gaza, le Hamas, ont construit une piste à 300 mètres, exactement ce que revendiquaient les Israéliens, à 300 mètres de la barrière, piste sur laquelle eux roulent tranquillement en jeep armé. Alors ils n'ont pas dit aux paysans, vous n'avez pas le droit de cultiver de l'autre côté. On leur a fortement fait, mais ils ne se laisseront pas faire. Mais voilà, donc c'est jamais gagné cette question. Par rapport à l'agriculture, il y a une chose qui me marque aussi. Bon, on tue des gens dans les bombardements, tout ça, mais il y a une chose qui revient souvent, c'est la destruction des oliviers. Ça, c'est un truc que je trouve. Ça, c'est, surtout, c'est vraiment. On voit l'olivier centenaire là, qui donne ses olives, mais donc on arrête un Palestinien et sa famille. Toute la famille est punie, on arrache les oliviers. Tout le nord de la Bible, tout le nord, hein, l'endroit où les paysans refont des légumes coûte que coûte et avec des inventions, il y a les fraises hors sol, mais il y a aussi la récupération de l'eau dans des bassins dans lesquels ils mettent des poissons. D'une part, les poissons mangent les moustiques et d'autre part, les déjections des poissons vont servir d'engrais. Enfin, il y a dans cet endroit-là. Avant, ce n'était qu'un verger. Il n'est pas resté un seul arbre debout. Hein. On prend souvent, nous, en photo sur l'Est, la photo du seul arbre qui survit au milieu de... Donc, oui. Si vous voulez, l'entreprise sioniste, c'est pas un amour de la terre. Hein. C'est pas des paysans, d'ailleurs, ces gens-là, ça n'en a jamais été. Hein. L'olivier est né en Palestine il y a 8000 ans. On estime maintenant qu'avec la construction du mur et l'agrandissement des colonies, ils ont abattu 1 200 000 oliviers en Cisjordanie. Et c'est, il faut voir, parce que dire, le tracé du mur et tout, c'est une véritable éventration. Mais c'est pourtant un arbre vital. Mais c'est justement parce que c'est un arbre vital et qu'on ne veut pas que les populations vivent. Le mot qui s'applique. Les Israéliens, ils ne consomment pas d'huile, ça leur est bien. ils peuvent avoir la leur dans leur propre territoire ou en acheter, mais le terme qui s'applique à ce qu'ils font, c'est pas un génocide, dans le sens, évidemment, le ghetto de Varsovie, 99,5% de la population est morte. À Gaza, en 3 bombardements, on est arrivé à pratiquement, même pas 0,5% de la population qui est morte. On n'est pas dans la même échelle. Mais c'est, y a un mot qui a été utilisé par le tribunal Bressel sur la Palestine, c'est un sociocide. C'est-à-dire qu'on détruit systématiquement tout ce qui pourrait faire vivre une société et la rendre autonome. Ça, c'est véritablement fait de façon intentionnelle. Ce que vous aviez dit sur la pratique, ça veut dire que ce territoire sera réellement inhabitable, si j'ai bien compris. Inhabitable, ils importeront de l'eau. C'est-à-dire que le truc est toujours pareil. Déjà, les Palestiniens, nous, on vivait de l'eau à Gaza, c'est de l'eau importée. Il y a peut-être deux ou trois endroits où on peut la pomper et la boire, mais dans la grande majorité de la bande de Gaza, vous pouvez tout juste vous doucher, et encore, c'est pas génial, mais vous pouvez pas la voir. Donc l'eau, on l'importe, comme l'essence, on l'importe, comme l'électricité. Avec quel argent pour... Alors. Ah oui, c'est ça. L'argent. Il y a 72% de la population à la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies des Réfugiés. Cela touche un petit pécule, y compris en nature, sous forme de... Que en nature. Plus les écoles de l'UNRWA touchent un petit quelque chose. Les gens qui sont des Gazaouis de souche, ils ont la terre ou ils ont des bâtiments, des immeubles, c'est source d'argent. Vous avez trois fonctions publiques à Gaza à cause de la division palestinienne. Vous avez une fonction publique, en gros, essentiellement les enseignants et le personnel médical payé par Ramallah qui travaille. Vous avez... plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient des fonctionnaires au moment de la guerre Fatah-Hamas de 2006 et qui ne travaillent plus mais qui sont payés par Ramallah. Et si jamais ils se mettent au travail, ce sont d'être payés. Ça fait partie de la guerre entre la division palestinienne. Et puis vous avez une troisième fonction publique qui a été recrutée par le Hamas, souvent sur base clientéliste, essentiellement dans la sécurité. Mais quand une personne de la famille a un salaire de fonctionnaire, ça fait vivre... très chichement, mais ça fait vivre des tas de gens. Il y a toute l'économie informelle. Quand on a une bagnole, on l'utilise comme taxi et on perçoit un petit quelque chose là-dessus. À Gaza, les 50% de la population n'a rien, mais est au chômage, mais il n'y a personne dans la rue. À Marseille, il y a des sans-abri, à Gaza, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce faible argent qui va arriver par la fonction publique, par la possession de la terre, par le commerce, va être partagé pour faire vivre tout le monde. Il y a une espèce de solidarité familiale, plus les volontaires qui vont aller distribuer des colis alimentaires dans les endroits les plus pauvres. On ne laisse personne sur le chemin. Le peu qu'on a va être partagé. C'est quand même une société qui est très égalitaire, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une diaspora gazaoui qui envoie de l'argent ? Il y a une diaspora palestinienne. C'est fondamental. Sur les chiffres qu'on a pour les diasporas, il y a 6 millions de Palestiniens entre Méditerranée et Jourdain, 2 millions à Gaza, 2,3 millions en Cisjordanie quand on enlève Jérusalem, 350 000 à Jérusalem, 1,7 million en Israël. Ça fait 6 millions. Vous avez, en plus de ce chiffre, des réfugiés... compté par l'UNRWA, dans trois pays arabes, Jordanie, Syrie et Liban, c'est environ 1,5 million personnes. Vous avez encore 1 million, 1,5 million de Palestiniens dans les autres pays du Golfe ou l'Égypte. Vous avez un bon million de Palestiniens en Europe, un bon million en Amérique du Nord, peut-être deux même, et 2 millions en Amérique du Sud. Il y a plus de Palestiniens de Betsaour. À Santiago du Chili, c'est avec Sao. C'est la plus grosse communauté palestinienne. Donc voilà, c'est. Alors évidemment, il y a des solidarités familiales. Nous, notre grand ami, il avait un frère en Suède et le frère envoyait de l'argent, bien sûr. Et ça faisait vivre le monde. Attends, je voudrais reprendre sur un autre aspect parallèle. Il faut bien voir que cette idée. Que le monde pourrait être fait de gens qui vivent sur leur terre, qui nourrissent leur village, qui c'est une idée qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Et que non seulement les Palestiniens sont en but en première ligne contre leur colonialiste, mais ils sont aussi en but contre l'air du temps, c'est-à-dire le FMI, la World Bank, etc., qui explique à quoi ça sert qu'un gars vienne gratter sa terre en tirant sa charrue avec un âne. À quoi ça sert, hein? Il ferait bien mieux d'attendre tranquillement qu'il s'installe une usine, genre Coca-Cola, et là, on va lui donner un salaire. Donc, cette transformation de la société, elle est... Ce qui est premier en Palestine, c'est l'agression coloniale, ça c'est incontestable. Mais tout ça baigne dans l'idée, et c'est pour ça que Gaza, il faut bien voir ce qui se passe à Gaza, et il faut aller à Gaza. Ça baigne dans l'idée que toute une partie de la population mondiale, elle est un peu surnuméraire. Hein, que si elle voulait bien rester sur le côté, on lui donnera des miettes, mais que les grands flux, les flux financiers, ça passe pas là, ça passe pas là. Donc, c'est pas quand on dit, mais ils doivent bien se rendre compte, les Israéliens, qu'il faut aussi qu'eux ils produisent, mais ils sont pas du tout. Israël, c'est un des pôles, comme la France, hein, comme d'autres, de ce capitalisme financier complètement fou. Et c'est une économie qui est très très tournée vers les technologies de pointe, extrêmement tournée vers les technologies militaires et de maintien de l'ordre. Et il vaut beaucoup mieux fabriquer des drones que de planter un olivier. Hein. C'est quoi la monnaie à Gaza ? Le shekel israélien. C'est la monnaie israélienne. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai une cousine à Tel Aviv. Ça se passe il y a une douzaine d'années. Je vais aller en Cisjordanie, je m'arrête chez elle à Tel Aviv et je commence à ramasser, à tirer à la carte bleue des shekels. Très gentiment, au bout d'un moment, elle me dit « Mais enfin, tu vas partir dans 3 jours, pourquoi t'as tiré toute cette monnaie ?» Et je lui dis « Parce que quand je serai en Cisjordanie, il n'y aura probablement pas, maintenant il y a, hein, il n'y aura probablement pas d'endroit où je pourrais tirer, il faut bien que j'ai de la monnaie. » Et elle me dit mais ils utilisent le shekel ?» Elle vit à Tel Aviv et elle ne le sait pas. Oui, tout. À Tel Aviv, on est à 60 km de Gaza et ils vivent sur la Lune. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que leur armée, leur gouvernement inflige à une population à quelques kilomètres de là. Et ils ne veulent pas le poids. Alors qu'en Israël, il y a un journal fantastique qui s'appelle Haaretz, où il y a des anticolonialistes qui écrivent tous les jours, des Gideon Levy, des Amira Haas et tout, donc ils sont au courant de tous les crimes qui sont commis par leur armée et leur gouvernement, et ils s'en foutent. C'est-à-dire que ce qui caractérise Israël, c'est l'écroulement des barrières morales. Ça caractérise vraiment l'écroulement des barrières morales. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, bon, lorsqu'ils ont conquis la Palestine, les Israéliens vont prendre la Syrie comme terre, par exemple. Ils n'ont pas encore conquis la Palestine. Ils n'ont pas tout conquis. Est-ce que le but est un but de conquête? Je crois qu'il faut que vous réalisiez qu'on est dans une situation où tous les projets politiques qu'on puisse avoir dans la région sont morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé à Oslo, deux États. Deux États, ce n'est ni juste ni souhaitable, en tout cas c'est impossible aujourd'hui. Quand vous allez en Cisjordanie, l'imbrication des populations est telle que c'est impossible. Il y a 750 000 Israéliens qui vivent au-delà de la frontière internationalement reconnue. Les virées coûteraient 30% du produit national brut israélien. Bon, c'est devenu impossible. Le projet qui aurait, bon, zéro État comme libertaire, je pourrais le penser, mais bon, pour l'instant, le projet qui serait le plus juste, un seul État laïque et démocratique où tout le monde vivrait avec les mêmes droits, indépendamment de ses origines, sa religion ou ses identités supposées, actuellement, la majorité des Israéliens pensent que si ça voit le jour, ça veut dire les Juifs à la mer. Ils se trompent parce que l'exemple sud-africain montrait l'inverse, que quand on a besoin de l'apartheid, on peut rester. Le projet sioniste, c'était un État juif homogène où on aurait viré les Palestiniens. C'est impossible maintenant, c'est 6 millions entre Méditerranée et Jourdain, 50%. Et l'apartheid dans lequel on est complètement rentré, c'est-à-dire la moitié de la population qui possède toutes les richesses, tout le pouvoir militaire, économique et tout, L'exemple montre que ça peut durer quelques années, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc on est vraiment dans une situation où il n'y a rien qui est possible. C'est-à-dire que pour l'instant, Netanyahou peut se dire j'ai l'avantage militaire, je ne risque rien et tout. Savoir si dans 25 ans, les États-Unis seront toujours la première puissance du monde, s'ils auront toujours intérêt à les soutenir sans faille, on n'en sait rien. C'est-à-dire que ce régime a scié toutes les possibilités de compromis ou d'accord, et on est dans aucun projet aujourd'hui n'est réaliste à long terme, aucun. Et c'est peut-être pour ça que la majorité de la population israélienne s'est radicalisée à droite. Oui. Ils ne voient pas d'autre issue que... C'est l'image que Sarah, c'est comme s'ils avaient marché sur un serpent et que maintenant ils ne veulent plus bouger le pied pour ne pas être morts. Les orthodoxes, ça devient religieux. Cette guerre n'est pas une guerre religieuse. Je vais expliquer ça. Les fondateurs du sionisme étaient athées. Theodor Herzl n'était pas croyant. Ben Gurion était non seulement athée, mais farouchement anticlérical, et il considérait les rabbins comme l'arriération de l'arriération. L'irruption des religieux dans cette guerre-là, côté juif, c'est 1967, c'est la guerre des six jours, c'est quand ils occupent Jérusalem-Est et le mur de la Lamentation. Alors, moi, comme athée, je suis toujours un peu intrigué sur le fait que le mur des Lamentations, c'est le mur occidental du temple d'Hérode. Hérode, c'était pour faire court un roi collabo et antisémite, puisqu'il tuait tous les juifs qui s'opposaient à Rome. J'ai un peu du mal à voir que ce soit le Dieu saint du judaïsme. Ça, c'est. Je suis arrière-arrière-petit-fils de rabbin. Ça, c'est mal lié de génération en génération. Et l'irruption de l'islam politique, que ce soit le Hamas, le djihad islamique, ou au Liban, le Hezbollah, c'est 1980 et c'est en réaction à l'occupation. Autrement dit, on peut dire que les questions religieuses ont compliqué les choses, puisqu'aujourd'hui, le courant national religieux en Israël, c'est 25% de l'opinion. Ils disent Dieu a donné cette terre au peuple juif, donc avec eux, il n'y a strictement aucune négociation possible. Mais en 1980, quand on a les religieux juifs qui sont en train de coloniser la Cisjordanie, et les religieux musulmans qui apparaissent, cette guerre a déjà 80 ans. La colonisation sioniste a commencé depuis 80 ans. Donc, imaginez que cette guerre est religieuse, c'est faux. C'est une guerre coloniale. Le sionisme, c'est à la fois, enfin j'ai un peu essayé d'expliquer ça dans le sionisme en question, c'est à la fois un colonialisme, un nationalisme perverti, un messianisme qui a raconté une histoire fantastique de l'exil et du retour qui est complètement fausse. Les juifs n'ont pas été en exil, on est des descendants convertis, c'est clair. Et on a fait aucun retour, c'est clair. Et les descendants des Judéens de l'Antiquité, c'est les Palestiniens, c'est clair aussi. Donc c'est à la fois un discours mythique, à la fois un nationalisme qui a inventé le peuple à l'Angleterre, c'est quelque chose, un colonialisme, et puis un morceau d'Occident qu'on a fiché au Proche-Orient, en transformant les Juifs qui étaient les parias de l'Europe, jugés inassimilables, asiatiques inassimilables, en des colonisateurs européens en Asie. On a fait, le sionisme a opéré cette transformation. Mais voilà. L'accélération, c'est dû à la Shoah. Alors là, moi, c'est une histoire familiale. J'aime pas le mot Shoah, qui est un mot religieux. C'est Lanzmann qui a utilisé le premier ce mot-là. Lanzmann, il expliquait, puisque vous en parliez, que les Israéliens abattaient les oliviers parce que les terroristes se cachaient derrière. Je préfère lui laisser la paternité de ce mot-là, mais moi je dis génocide nazi. Mais ce qui est tragique, c'est que la résistance juive au nazisme a été communiste, bundiste, mais elle n'a pas été sioniste. Que pire, les dirigeants sionistes de l'époque ont eu un comportement particulièrement dégueulasse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben Gurion a signé des accords avec les nazis en 1933, un accord de transfert des juifs allemands en Palestine. Yitzhak Shamir, qui sera pendant 7 ans premier ministre israélien, était un collabo. Il a assassiné des soldats anglais en 1943. Il a assassiné Lord Moyne, le haut représentant britannique au Caire, en 1944. Pour moi, quelqu'un qui assassine des soldats anglais en 1944, au moment où Eichmann est à Budapest et à Salonique, j'appelle ça un collabo. Donc voilà, je veux dire que le sionisme a certainement profité du génocide nazi, mais en plus, il n'a joué aucun rôle dans la résistance au nazisme. Au contraire. Poser une question sans doute beaucoup plus simple. Où en est la criminalisation, la pénalisation du mouvement BDS en France? J'avais des copains qui se sont retrouvés inculpés au tribunal, etc. Tout ça parce qu'ils militaient pour le... Alors, est-ce que le gouvernement qu'on a eu, qu'on a encore, de Bosch, a défait les... Non, non, c'est lui qui a fait la criminalisation. Non, c'est la loi Lyon-Marie. Oui. Oui, Bonnet. Il n'y a pas eu du tout de... Il y a un... il faut bien voir hein, que le BDS est considéré par Israël comme une menace première. Hein, parce que, évidemment, il tient grâce à son image, ce pays. Il a obtenu de ne pas être sanctionné sur tous ses crimes grâce à son image. Si cette image est attaquée, derrière, c'est des possibles sanctions. Donc, ils ont mis en route tout un appareillage hein, qu'ils ont peaufiné, en particulier en 2010. En 2016, là, en mars, ils ont rassemblé un grand colloque à Jérusalem sur la manière de contrer le BDS. Ils y mettent beaucoup d'argent. Donc, voilà. Donc, notre gouvernement, il est perméable complètement à ça. Mais il n'a pas... on est un petit peu sur la crête. C'est-à-dire qu'on a pris des coups très importants. Il y a eu des gens condamnés. Hein. On a pris des coups très importants. On attend un arrêté qui, pour nous, est important parce que c'est le dernier recours en Cour européenne pour casser la décision de Mulhouse qui criminalisait le BDS, qui condamnait les copains. Si cet arrêt est mauvais... On va avoir du mal, on va avoir du mal. Mais on n'arrêtera pas. L'idée, c'est de ne pas arrêter. Et franchement, des actions BDS, il y en a partout. Il y en a partout, dans des petites villes, dans les comités BDS sont une partie vivante de la mouvance pro-palestinienne. Moi, je ne crois pas qu'ils arriveront à casser le mouvement. Il est lancé. Il est lancé. Non, je ne suis pas dépressé. Simplement, je considère que ce mouvement... dont la justice n'a peut-être mis en cause, a été criminalisée. Tout à fait. Et continue à l'être sous un gouvernement de gauche. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je suis en désaccord avec toi, c'est sur le gouvernement de gauche. Non, non, mais la remarque est tout à fait juste. Et le gouvernement de... Dit de gauche. Non seulement on ne peut pas fléchir, mais il n'y a rien d'autre à se mettre là-dedans. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que les dirigeants européens ou américains sont mal informés qu'ils soutiennent inconditionnellement Israël. C'est parce que c'est leur État. C'est devenu un laboratoire de l'enfermement d'une population. C'est devenu l'enfermement, le laboratoire de toutes les armes de pointe, des technologies de pointe. C'est un État surarmé, c'est un morceau d'Occident. Pour tenir le Proche-Orient, il faut Israël, il faut les monarchies pétrolières du Golfe. Donc c'est leur État, un État d'Israël qui vivrait en paix, en égalité avec leurs voisins, ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est nous, société civile, forcer nos gouvernements à arrêter ce truc-là. Alors, on y arrive petit à petit, y compris économiquement, des multinationales qui ne sont pas nos amis, il n'y a aucune multinationale qui est évidemment notre amie, mais enfin, le fait que Orange, à cause du BDS, s'est désinvesti des téléphones portables qu'ils avaient dans les colonies, le fait que G4S, qui vient de lâcher, il contrôle les checkpoints en Cisjordanie, les portiques des prisons et tout, ils sont en train de se désengager, le fait que Veolia, qui a construit le tramway de Jérusalem, qui a construit la décharge de Tovlan, les ordures sont israéliennes et la décharge est située évidemment en Palestine, ils sont en train de se désengager, donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui, sur les années, va commencer à faire. Alors, c'est une économie de start-up, Israël peut survivre avec ces mésaventures-là. Ce avec quoi elle pourra difficilement survivre, c'est la question de l'image. Il y a 15% des Israéliens vivant d'Israël, surtout pour des raisons économiques, mais très souvent pour des raisons idéologiques. Ils ont envie de vivre dans un pays normal qui n'est pas en guerre tous les deux ans, et ceux-là seront extrêmement sensibles à la dégradation de l'image. Rappelez-vous que l'Afrique du Sud, le gouvernement a cédé quand l'Afrique du Sud a été expulsée des Jeux Olympiques. C'est ça l'événement majeur, plus que les Orangines. Donc c'est ça qu'il faut viser avec le BDS. Et le tribunal, de grande... oui, le tribunal international de la Haye, il ne bouge pas, il ne fait rien. Alors, il est saisi, la CPI, que... Alors, ce que je peux dire, c'est que, bon, je ne sais pas ce qu'en tant que libertaire, on pourrait dire sur ce genre de tribunal, mais le problème de ces instances-là, c'est que c'est trop souvent la justice du plus fort, ou la justice du vainqueur. Je prends la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des crimes des deux côtés, mais on juge Gbagbo qui a commis des crimes, mais on ne juge pas Ouattara qui a commis les mêmes. Je prends la guerre en Yougoslavie. Bon, on a jugé ces salopards de Karadzic et Milosevic qui avaient commis des crimes de guerre, mais Osman, il est mort dans son lit, et ceux qui en ont fait en face, on ne les a pas jugés. Donc tout le problème de cette justice internationale, c'est que c'est la justice du plus fort. Depuis des années, il y a toutes les raisons pour que les principaux dirigeants israéliens soient inculpés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'incitation au génocide. Je prends les termes juridiques tels que le tribunal Russell les a donnés vis-à-vis d'eux. Alors il y a eu un moment où des pays comme la Belgique avaient, ou l'Espagne avait un système judiciaire qui permettait d'inculper des chefs d'État étrangers. Maintenant ils l'ont aboli justement parce que sinon le jour où un dignitaire israélien passe chez eux, il sera obligé de l'arrêter. On ne désespère pas, mais pour l'instant, ce n'est pas fait, bien sûr. La CPI, c'est un bel exemple de. Un autre côté de la CPI, de l'ambiguïté, du jeu que joue la communauté internationale. La communauté internationale ne désavoue pas Israël. Quand ils émettent une demande pour faire ceci et cela, autour des réfugiés, etc., que ce ne soit pas appliqué ne les empêche pas de continuer à considérer que c'est une démocratie, mais en échange, entre guillemets, eh bien, ils donnent de l'aide à cet embryon d'État palestinien dont ils ont bien voulu reconnaître qu'il avait à peu près le statut du Vatican auprès de l'ONU. Donc, ils donnent. Ils donnent, mais du coup, ils sont les maîtres. Et pourquoi Mahmoud Abbas a mis 2 ans avant de commencer à envisager le processus pour saisir la CPI ? C'est parce qu'on lui disait, vous le faites, on ne paye plus les salaires, et vous vous démerderez avec votre peuple quand ils auront le ferait, mais enfin, c'est vous qui allez sauter. Et voilà, donc on est comme ça dans une espèce de piège terrible dans lequel ceux qui tirent vraiment les ficelles, c'est quand même les instances internationales. Elles tirent les ficelles au sens où elles laissent Israël manger le terrain, et elles s'organisent pour que tout petit à petit, l'idée d'un État palestinien, du droit des Palestiniens diminue. Pourquoi ce soutien inconditionnel ? Parce qu'après tout, des régimes pourris sur place que sur l'ordre, il y en a, quoi, entre l'Égypte et Jordanie. C'est un morceau d'Europe, Israël. Ouais. Non, réfléchissez bien à ce que j'ai dit. Pour tenir le Proche-Orient, ouais, il faut Israël et il faut les monarchies pétrolières, féodales et patriarcales. Il faut les deux. Et le rôle d'Israël là-dessus qui est assez... Après, c'est tête de pont, quoi. J'ajouterai un autre truc qui est par rapport à la question juive. L'anti-judaïsme, c'est chrétien. C'est le christianisme qui a inventé l'anti-judaïsme, qui a duré pendant 15 siècles en Europe. La transformation de l'anti-judaïsme en antisémitisme racial, c'est au moment où les juifs sortent du ghetto en Europe, à partir de la Révolution française et du début du 19e siècle. Et donc c'est l'Europe qui a eu sur son territoire, l'Europe chrétienne, anti-judaïsme, antisémitisme et tout. Quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, les réfugiés, les survivants des camps et du Yiddishland demandaient en 1945-1946 des visas pour les États-Unis, pour la France, pour l'Angleterre. Et on leur a dit non, maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que dans l'investissement d'Israël, il y avait pour l'Europe la résolution de la question juive. Maintenant, ils ont un pays, dégage, et on n'en parle plus. Où on va parler d'État à État, ce n'est plus cette minorité invisible, etc. Donc il y a ça aussi. Quelque part, l'Europe s'est débarrassée de sa responsabilité dans l'antisémitisme sur le dos du peuple palestinien, qui n'avait rien à voir, évidemment, avec tout ça. Et la communauté juive a aux États-Unis aussi qui fait pression, qui est très non, alors c'est, il ne faut pas se tromper là-dessus. Hein. Il y a d'abord au niveau des nombres, en gros un peu plus de 40% des juifs du monde entier vivent en Israël, un peu moins de 40% aux États-Unis, 20% dans les autres pays, la France étant la plus grosse de ces communautés. Les juifs américains en moyenne sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins extrémistes que les juifs israéliens ou les juifs français. Nous, l'association sœur qu'on a aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, ils sont 11 000 membres, 200 000 sur la page Facebook, c'est pour le BDS et tout. Et les autres associations de masse qu'il y a chez les juifs américains seraient plutôt du genre travailliste, mais ce n'est pas les fous de Dieu et les bat-en-guerre. L'AIPAC, qui est le lobby d'extrême droite sioniste aux États-Unis, avait appelé par exemple à voter contre Obama en 2008. 78% des juifs ont voté Obama. Donc ce n'est pas à cause des juifs américains, au contraire, que les États-Unis ont cette position-là. Ils l'ont pour des raisons stratégiques. Et y compris Obama, dont on sait qu'il a des rapports très mauvais avec Netanyahou, quand il y a eu bordure protectrice, le lendemain, il a sorti un chèque de 3 milliards pour que Israël refasse le plein de munitions. Là, juste avant de quitter le pouvoir, c'est un prêt de 38 milliards d'équipements militaires sur 10 ans que Obama a signé. Quand Joe Biden va à Jérusalem en disant, c'était il y a quelques mois, en disant vous faites le gel de la colonisation, le jour de son arrivée, Netanyahou annonce plusieurs milliers de nouveaux logements et les États-Unis sont là. C'est ça la situation réelle. Je voudrais rajouter un point supplémentaire qui est un point qui, moi, me fait franchement peur. Il faut bien voir que ces industries d'armement, il y a quelques pays qui sont phares dans le monde, et dans ces pays phares, il y a la France et il y a Israël. Et il y a une imbrication de plus en plus grande entre les technologies, c'est-à-dire que les drones qui volent, ils volent avec une partie de connaissances françaises, une partie de connaissances israéliennes, probablement d'autres. Et quand on arrive à avoir imbriqué comme ça ces intérêts économiques et de maintien de l'ordre, pourquoi vous voudriez qu'on défasse la chose? Ce serait très dangereux. Donc moi, il me semble que cette imbrication qu'on a laissé se faire, et le fait qu'on laisse notre pays vivre sur la vente des armes, ça impose des alliances. Ça entraîne des alliances naturelles. Entre marchands d'armes, le fait que la France et Israël soient comme cul et chemise, c'est juste normal. Il y a d'ailleurs eu des manœuvres il n'y a pas très longtemps, c'est ça. Absolument. Par les Français, par les Mais nos socialistes, avec les 150 guillemets qu'il faut donner, ils sont, je veux dire, de tout temps, ils ont été QHMIS avec Israël. La guerre impérialiste de 56 sur le canal de Suez, c'est Guy Mollet d'un côté, Moshe Dayan de l'autre côté. L'arme atomique israélienne et la centrale de Dimona et tout, c'est de la technologie française qui a été donnée à Israël pour qu'ils aient le nucléaire. Donc ça. Et alors, ils sont tous, parce que là, je parle des socialistes, mais Sarkozy, quand il y a bordure protectrice, il ne moufte pas pendant tout... Non, pas de plomb durci, je veux dire. Le jour où il y a l'armistice de plomb durci, il dit, je vais envoyer un sous-marin au large de Gaza pour empêcher le Hamas de reconstruire les tunnels. Et Hollande, en pleine guerre de bordure protectrice, l'ambassade française à Tel Aviv organise un bal pour... la pauvre population de Sderot qui a dû voir un ou deux Kassam s'écraser dans le désert, mais il y a déjà 2000 morts à Gaza, et là, ils ne bouffent pas. C'est une complicité qui est obscène quelque part. Et est-ce que la situation actuellement au Proche-Orient, et notamment la guerre en Syrie, a quelque chose à voir avec le maintien d'Israël dans ses frontières? Elle est très défavorable aux Palestiniens, c'est-à-dire qu'eux, ils disent que la question est oubliée, la question syrienne ou la question irakienne. C'était un des rares pays qui était quand même farouchement. C'est sûr que pour les Palestiniens, c'est. C'est très dur parce qu'on les oublie qu'il y a d'autres raisons, d'autres questions supplémentaires. En même temps, ils disent, par exemple, on a entendu ça souvent, ils disent Daesh ou l'Arabie Saoudite, ce sont des créations de l'Occident. Ils n'ont pas tout à fait tort en disant ça. C'est-à-dire que, par exemple, le salafisme ne peut pas prendre à Gaza. Il y a eu une vague tentative qui a été écrasée par le Hamas tout de suite parce que la question nationale est trop brûlante. Mais oui, c'est sûr que pour les Palestiniens, ce qui se passe en Syrie au Liban, ça, ça veut dire qu'on est venu. On a vu beaucoup de... Enfin, justement sur les photos, le femme voilée, c'est obligatoire comme en Iran, le voile, ou c'est... L'histoire du voile, que moi je préfère appeler foulard, parce que si on était dans une société normale, on s'apercevrait que ces jeunes femmes ont un foulard sur la tête, ce que nos grands-mères avaient toutes. Hein. Donc il y a aussi le fait d'avoir une sensibilité vestimentaire comme ça, on nous l'a mis dans la tête. Hein. Alors, l'habillement à Gaza, ça c'est un problème qui est extrêmement douloureux. Le jeune gars qui, enfin jeune, il a une quarantaine d'années, avec lequel on a vécu ces 19 jours-là que je connaissais très bien d'avant, raconte la chose suivante. Donc il a une quarantaine d'années, il nous dit, moi je me souviens très bien quand j'étais petit garçon, ma maman était en mini-jupe, mes instits étaient en mini-jupe. Vous ne pouvez pas imaginer à l'heure actuelle une femme en mini-jupe à Gaza, ça c'est juste impossible. Et la propre femme de ce gars-là, elle a son foulard bien noué sous le menton. Si j'ai bien compris, la première grande offensive du foulard, c'est la première intifada. Alors moi, j'avais une vision de la première intifada comme vraiment une révolte de la population. Ça a été ça, mais ça a entraîné avec toute une volonté de se distancier, du colonisateur, de se distancier de ce monde pourri qui les abandonne. Voilà, donc à l'heure actuelle, donc déjà bien avant que le Hamas prenne le pouvoir, l'écrasante majorité des femmes avaient le foulard. Moi je me suis toujours promenée, j'ai vécu, je vous dis, en semant tout, ça fait à peu près 2 ans, cheveux au vent, je n'ai jamais eu le moindre problème, ni même de réflexion, ni même. Et vous avez vu Doctora Mariam, une des membres du bureau politique du Front populaire de libération de la Palestine, elle est sans foulard. Mais toutes les autres copines que je connais du FPLP portent le foulard. Alors, encore une fois, la société de Gaza, la société civile, elle a des sensibilités diverses et c'est pas gagné. C'est pas une imposition, on va pas vous... Hein. Y a des chrétiens à Gaza, il y a des chrétiens. Beaucoup portent quand même le foulard pour, pour avoir la paix, mais ils pourraient ne pas le mettre. On ne t'arrêtera pas dans la rue si tu n'as pas de foulard. Mais l'ambiance est à le porter. Et c'est même plus grave que ça. Parce que moi, je me rappelle très bien une famille où la maman avait été une résistante. Hein. Il y avait des photos de cette femme habillée à l'occidentale, quasiment l'arme à la main. Ses filles portent le foulard et ses belles-filles portent le niqab. Ce qui est exceptionnel, hein, ce qui est exceptionnel à Gaza. On en voit, mais exceptionnellement. Voilà. Donc il y a aussi... Mais comment dire ? Le repli, la tendance au repli communautaire, elle est normale. Quand ça fait 70 ans que vous luttez sans aucun résultat, comment voulez-vous que les prêches dans les mosquées qui disent « mais d'abord et avant tout, il faut se mettre au clair avec Dieu, parce que si on est au clair avec Dieu, il va nous aider mieux », comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'écoute de ça ? Pour en rajouter dans l'espèce d'urgence, quand les choses n'avancent pas, elles pourrissent. On a posé absolument à tous nos interlocuteurs avec Pierre la question, dans un futur en paix, pourrez-vous vivre avec les Juifs ? Tous les vieux, ceux qui ont couru devant les avions qui bombardaient à coups de bidons pleins de dynamite, répondent, mais évidemment. Évidemment, on a toujours sur cette terre vécu à plusieurs religions, ça ne nous pose pas le moindre problème de vivre avec plusieurs religions. Leurs enfants, ceux qui ont vécu, qui ont travaillé en Israël dans les années 70-80, répondent, mais évidemment, on a été, ça c'est sûr, exploité en Israël, mais on a aussi noué des contacts, et il y a des choses à faire, il y a des choses à faire ensemble. Mais les plus jeunes, ceux qui n'ont jamais sorti de Gaza, ceux qui ne connaissent que le tankiste, que le F-16, etc., ils nous regardaient avec des yeux ronds, mais comment pouvez-vous oser nous poser une question pareille ? Donc, le temps ne fonctionne pas pour nous, ni dans les tentations de repli communautaire, ni dans la formation des nouvelles générations. Je voulais ajouter qu'on a eu de très nombreuses discussions sur la religion, Et il n'y a pas du tout, voilà, presque tout le monde est croyant. On a rencontré quelques athées, un qui nous a dit qu'il avait eu 3 sevrages, le lait de sa mère, Dieu, l'idée de Dieu et l'idée de l'État-nation. Et lui, il avait fait toutes les guerres et tout. On a aussi bu un peu d'alcool frelaté avec des athées buveurs, mais sinon, la quasi-totalité de la population est croyante et la quasi-totalité est musulmane. Et les chrétiens, c'est 0,6% à Gaza, pas plus. Mais il y a des conceptions extrêmement, extrêmement différentes de la religion, de l'un à l'autre. On a rencontré quand même pas mal de conceptions ouvertes. Des gens qui nous disaient, qui citaient une sourate qui dit « Je préfère que la Mecque soit détruite pierre par pierre plutôt qu'on tue un homme ». Alors, je préfère que la Mecque soit détruite pierre par pierre plutôt qu'on tue un homme. C'est une sourate qui dit ça. Chacun choisit un peu ses sourates. On a rencontré un type très ouvert qui nous disait, il était le seul, parce que dans le Coran, il n'y a pas ça, qui nous disait, pour moi, l'islam est universel, et donc il n'y a aucun problème, chrétien, juif, non-croyant, ça fait partie de... Bon. Il était relativement seul, parce que si la quasi-totalité, ils disent, juif et chrétien, il n'y a pas de problème, c'est un peuple du livre et tout, sur la non-croyance, ils ont beaucoup plus de problèmes. Mais leur problème est surtout un problème de stupéfaction. Comment on peut être non-croyant ? Alors en plus, nous on s'est trouvés pendant le ramadan. Et alors, j'ai compris que l'islam est une religion à point. Parce que nous, bon, on va faire comme vous, ça va être un peu dur que de ne pas boire. Mais bon, on boira en SD, mais manger en attendant le soir, il n'y a pas de problème. Parce que c'est succulent. Quand il y a la culture du jeûne, c'est fantastique. Mais il nous disait, mais nous on fait ça pour notre Dieu, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Vous entendez, vous retirez en enfer quoi qu'il arrive, donc c'est pas autant manger avant. Autant manger. Mais en nous aimant, en nous adorant. C'est-à-dire que c'est plus une espèce de stupéfaction de l'idée de l'athéisme plutôt qu'une une idée d'hostilité. Nous, on a une super popularité, c'est-à-dire que vous avez forcé le blocus, vous êtes venus, chaque fois qu'on allait, c'était le festin pour nous qu'on faisait. Quoi. Donc voilà, mais sur la religion, j'ai quand même plutôt trouvé dans nos interlocuteurs des conceptions ouvertes. C'est-à-dire absolument pas la conception, c'est la vérité, on l'a et tout. Après, on ne sait pas, dans les prêches des mosquées, on ne comprend pas l'arabe, donc on ne sait pas ce qui se prêchait. Ça, on sait pas. Le passage de la frontière, ça c'est comment ? Ça dure des heures. Non, 5 minutes quand t'as le côté israélien. Oui, non, si t'as le papier, ouais. Si t'as les papier, Israéliens, ils vous cherchent pas des pots parce si que vous allez à Gaza. Si t'as le papier. Tu rentres. C'est en amont que ça s'est passé. Tu rentres. C'est le papier. Par contre, c'est en amont. Côté égyptien, c'est l'enfer. C'est plusieurs heures. Les Égyptiens humilient systématiquement les Palestiniens. C'est extrêmement difficile de sortir. De toute façon, tous les pays frères de la Palestine, toujours mieux. Hein. Vous connaissez la Black Tchèque de l'époque de l'Union soviétique. L'Union soviétique était-elle un pays frère ou ami ? Réponse, c'est un pays frère parce que les amis, on les choisit. Je crois que la Palestine peut dire ça de tous ses voisins. Ça. L'Égypte et tout, il n'y en a pas un qui a pas les films des amis des Palestiniens. Le truc le plus dingue, c'était le Septembre Noir, hein, quand même. Oui, 30 000 morts. Mais le Liban n'a pas fait mieux. Les tunnels, ils ont été une chose assez ambiguë. Les tunnels, ça a aidé de manière fantastique pour desserrer un peu le blocus, pour il est dans les bons moments, il est passé des choses absolument invraisemblables, hein, des troupeaux d'ânes, des morceaux de voiture. Un lion, paraît-il. Moi, ça, c'est pas vu. L'Égypte a décidé de noyer les tunnels. Elle a détruit l'écrasante majorité des tunnels. Alors, ces tunnels, il faut bien voir qu'à la fois, ils ont desserré le blocus. En même temps, ils ont permis la création d'une mafia, des deux côtés, palestino-égyptienne, qui fait que, moi, j'ai vu bouger la ville la plus proche de la frontière, c'est Al-Arish, petite station balnéaire, très, très sympathique d'ailleurs. J'ai vu, entre 2011 et 2013, j'ai vu complètement bouger la population d'une position pro-palestinienne. On arrivait à « mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben je vais passer à Gaza, félicitations, bravo, etc. » à une position très très agressive. La dernière fois que j'ai pu parler avec des gens de Al-Arish, il me disait, il faut qu'on se défende parce que Gaza va attaquer l'Égypte. Alors je leur disais, vous voyez un petit peu la différence de taille. On ne voit pas bien Gaza, 360 km², attaquer l'Égypte. Oui, mais si, mais ils ont fait, etc. Le problème des tunnels, c'est que ça a fait augmenter énormément le coût de la vie. Parce qu'il était beaucoup plus efficace de vendre à bon prix à Gaza que de vendre sur place. Et donc, et en particulier toute une partie de l'essence partait, on ne trouvait plus d'essence à la Riche. Donc ça a joué un rôle dans l'isolement de Gaza, dans la tête des gens sur place. Et puis ça a créé cette mafia. Je me souviens d'une visite à un très joli centre d'enfants. Je vous parle de ça, on est en 2012. Le centre d'enfants s'appelle Rachel Coris, qui me va droit au cœur de garder le souvenir quand même. Et il s'était bourré de dessins faits par les enfants, argumentant n'allez pas travailler dans les tunnels, restez étudier. N'allez... Parce qu'évidemment, c'était un des endroits où on pouvait vraiment gagner de l'argent. Voilà, donc c'est tout ça les tunnels, c'est toute cette complication. Alors ils existent toujours, hein. En gros il y en a un tiers qui n'ont pas été noyés, peut-être il y a actuellement 10% du trafic des bons moments qui passe, en particulier pour les cigarettes, parce qu'à Gaza, on a décidé qu'on aiderait l'occupant sur un plan, c'est à mourir du cancer du poumon, et tout le monde fume comme des pompiers. Voilà. Donc, puis alors les tunnels, il faut voir un peu, la frontière est artificielle à Rafah. C'est les mêmes familles qui habitent dans le Rafah égyptien, dans le Rafah palestinien. Et donc les tunnels, ils allaient de chez quelqu'un au cousin qui habitait en face. Donc la famille s'enrichissait, le Hamas s'enrichissait, les Égyptiens s'enrichissaient beaucoup. Et ça marchait un petit peu comme ça. Donc ça a aussi créé la crise de les arrêter. Ok. Arrête là. Oui, on va continuer autour d'un verre. Donc, bah, merci Sarah, merci Pierre. Pour ce récit, c'est quand même assez vivant avec des photos, ça, c'est très bien. Puis je vous engage à lire le bouquin. Tu vas en prendre un, ouais. Je crois qu'il y en a deux qui sont partis. Je vais tout marquer pour faire les comptes après. Je sais plus combien c'est. Toi, il en restait combien? Il t'en restait qu'un seul. Il en restait un, Gaza, et un sioniste. Non, le 1, tu l'avais déjà vendu. Ouais. Tu en as d'autres, Pierre? Oui, j'en aurais d'autres. Tiens, tu me donnes la caisse et puis je marque tout. Il y en a un qui est dédicace. T'as rien écrit? Non, mais on va écrire là-dessus, on va faire les comptes. Hein. Je vais sortir les euros aussi, je vais en prendre. Alors, attends. Attends, que je fasse semblant de faire ça bien. Ouais, je crois qu'il y en avait plus qu'un. Celui-là, il est beaucoup plus petit. Et notamment dans le chapitre central, il y a l'histoire de cette guerre dans les derniers jours. Et c'est